01 42 48 5000. Allô, bonsoir, qui est là? Allô. Salut. Allô. Comment oui, c'est Gagui que j'ai appelé tout à l'heure. Oui, oui, Gagui. Ah, oui. La Kaira. Ouais. C'est parti, on t'écoute. Ça va, Kaira? Gagui. Ouais, ouais. Bon, en fait, sur mon site internet, j'ai 58 personnes, mais c'est pas assez, parce qu'il m'en faut 4000. Ben, redonne ton site, allez, vas-y. 4000 personnes. Ouais, Gagik Vidéo MDR. G-A-G-I-K espace vidéo espace. Fais vite, on va MDR. Se faire engueuler. Hein. Ouais, vas-y. Je le connais, Mickaël. Ah, faut qu'on lui rende. Un décompte déborde. Ah, il y a le décompte, ça y est. Ah, ça y est. Merci. Salut, Gagik. Salut à toi. Quel est le couillon qui a lancé. Ciao. Oh, bah, c'est Mickaël, tu sais bien. Ah, bah, oui. Quel emmerdeur. Ah, oui, mais bon, et l'heure, c'est l'heure. Hein. C'est son tour. Et nous, ouais, on est aux fonctionnaires, nous. T'es pas un peu obsessionnel? Non, non, non, non. T'as pas de toc, non? Ça va? Bah, non, non, non, pas du tout. C'est Jérôme qui m'a donné ce toc. Ah, d'accord. C'est lui qui m'a dit il faut démarrer à 23h. Je te paye à 23h. J'ai dit bah, oui, mais bon, après, s'il déborde. Bon, parce que le problème, c'est que si tout le monde rend. Fais gaffe. Si tout le monde rend avec 2 minutes de retard l'année prochaine, je fais le morning. Fais gaffe. C'est peut-être une bombe. Hein. C'est vrai, oui, ça peut arriver, on sait jamais. Ouais. D'ailleurs, on va appeler l'équipe de déminage, on sait jamais. Bon, on souhaite quand même un bon week-end à tout le monde là. Bah oui, effectivement. On se retrouve lundi et laissez bien vos messages hein, sur le répondeur de Love in Fun au 01 42 48 5000. Très bien, parfait. Bah, bon week-end à vous alors. Gros merci bisous. Beaucoup. Karima, c'est comment le nom alors? Salut, bon week-end. Karima, c'est quoi le nom? Je peux pas balancer. En plus, toi, t'es une balance, je t'envoie rien par texte. Quoi? Moi, je suis une balance. Tu vas le dire à l'antenne, je ne dirai rien. Je jure que je ne dirai rien. Je crois pas. Et eh bah pourtant un indice. Vas-y. Non, je ne peux plus avec le regard noir de Karima qu'elle vient de me faire. Je ne peux plus. Non. Je ne trahis jamais mes amis. Et eh ben au revoir. Bisous. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir vous avez préféré dormir, regarder la télé, tirer votre coup, vous avez raté ça. C'est ça, quand tu tapes une pute, en fait, c'est pas comme si tu trompes pas ta meuf, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah si, non. C'est des bons. Hey les gars, vous êtes des tueurs. Donc là, demain, t'as une soirée, là, spéciale cuir. Oui, c'est le 10e anniversaire. J'ai fait un spectacle. Tu vas te faire fourrer un peu ou pas? Oui. Ah. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Et oui, je voudrais qu'on ait une petite pensée pour tous ceux qui ne font pas le pont demain. Car oui, c'est difficile, qui vont devoir aller en cours ou même peut-être bosser pendant que les autres profiteront d'un long week-end. Voilà, parce c'est scandaleux. Bah, comme vous, on est là ce soir hein, pour que vous ayez enfin quelque chose de bien à écouter à la radio. Évidemment, de 23h à 2h, on est là. Et dimanche, on sera de retour également, encore évidemment plus fort, de 20h à minuit. On va saluer également Steven qui est avec nous maintenant. Salut Steven. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment tu vas? Bien et vous? T'as passé une bonne journée de congé? Ah ouais. T'as fait quoi? Rien. J'ai geeké. T'as rien niqué avec ta voix de Daffy Duck, espèce de canard. Non, il a geeké. Ah, aujourd'hui, il a niqué. T'as geeké, j'ai c'est rien ça dit. Bah oui. Ah bah oui, bah t'es un doux, toi, non? Ouais. Oh, ça nique pas. Je veux devenir doux officiel. Ah, tu veux. En train de perdre ta voix de doux, là. C'est en train de partir en sucette, là. Eh ouais, c'est le dernier moment pour. Ah ouais, c'est le dernier moment. Là. Ah si, si, non, il n'a pas mué, hein. Il est sur la. Mais cette voix il est sur la limite. Il est sur la limite, mais. Mais je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans et qui doivent devenir doux officiel. Pour ça, évidemment, il faut passer via. Je te passe tout de suite. J'ai consulté les grands sages de la douceur. Ils sont d'accord pour que tu sois baptisé. Eh hey, jeune doux. Comment t'appelles-tu? Steven. Steven, tu veux devenir doux officiel? Oui. Et ainsi rejoindre la grande armée des doux? Oui. Moi qui suis grand maître de l'armée des doux, je vais pouvoir accéder à ta demande. Mets-toi à genoux. Oui, c'est bon. Insulte-toi. Connard, fils de pute, nique ta mère, moi je t'ai mort. Non, toi, c'est toi que tu dois insulter, c'est pas quelqu'un. Réinsulte-toi. Eh oui, mais... moi je m'ai mort. Bon. Je suis un fils de pute, un gros connard. Non, calme-toi. C'est pas ta mère, la pauvre. Oh là là, mais qu'ils sont bêtes. Ah, mais ça va, elle m'écoute pas. En fait, concrètement, tu sors de la douceur pour rentrer dans la bêtise. Ouais, là, j'en ai à l'adolescence. Attention. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as ton téléphone dans la main? Oui. Tape-le-toi sur la tête. Encore. Encore pour toute cette vulgarité. Ok. C'est bon, tu es officiellement un doux, bravo! Ouais! Tu as rejoint la grande armée des doux. Merci. Bienvenue à cette grande communauté. C'est le doux qui parle comme un canard. Voilà, exactement. Oui, parce que tu es en train de changer de voix là, mec, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ouais, bon, tu vas faire quoi de ce week-end là? Tu fais le pont demain ou tu vas en cours? Ah non, je fais le pont, encore heureux. Hein. Ouais, attends, et c'est dur la vie d'étudiant. Bah oui, à faire le cross, c'est pas pour rien. Bah c'est ça, genre il y a un moment, c'est quand même normal que tu fasses le pont, je comprends. Voilà, au pire je l'aurais fait quand même. Donc oui, bah c'est ça, voilà, de toute façon, il y a un moment quand on te donne pas, il faut prendre, hein, t'as raison. Voilà. Bon, alors, est-ce que t'as envie d'écouter un son particulier ce soir? King de Asie. Putain. Comment? King de Asie. King de Aziz. Non, King de Asie. Tu sais, bon, une de ses dernières. Je croyais que c'était Aziz, il avait fait un nouveau titre. Alors attends, je vais voir si j'ai là. Attends, bouge pas. Je vais voir si on a ça dans la machine. Avec Khaled, en duo. Aziz avec King, voilà, pas de problème. Je te mets ça. Attends, je te le cale là. Hop là. C'est bien celui-là. Hein. Ouais. Eh bah très bien, parfait. Tu peux passer une dédicace? Oui bah bien sûr, vas-y. Je fais une dédicace à tous mes potes de play et tous ceux qui me reconnaîtront. D'accord, et bah le message est passé, y a pas de problème. Salut à toi Steven, on passera dans quelques minutes le son de Aziz là. Salut à toi, de Aziz. Merci. Allez, bisous. Salut à toi. Ciao à toi Steven. Bon allez, si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus, n'ayez pas peur de nous appeler hein, si vous avez quelque chose à dire. On est là jusqu'à 2h, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique, et on parle évidemment de ce que vous voulez. Sandro va bien? Ouais, ça va. Bah, elle bouffe, elle mange, on nous a ramené des gâteaux, des stickers, bonbons, tout ça, etc. Donc ça y est. Oh là là. Et ça bouffe. Mais heureusement que tout le monde soit rassuré. Ouais. Elle démarre son régime ce week-end. Non, c'est voilà, vrai, ça. Elle démarre son régime ce week-end, donc j'ai envie de dire tout va bien. Oui, celui qu'elle a commencé la semaine dernière. Bah non, bah oui, la semaine d'avant, et la semaine d'encore avant, et encore avant. Enfin bref. Tof qui est également toujours au taquet avec des nouveaux amis qu'on a rencontrés hier. Oh là là. Et ta mère, je l'appelle gentiment aussi. Voilà. Va te faire enculer parce que t'es mort, et va te faire enculer. Voilà, il fallait bien préciser, hein, bien entendu. T'as pas de couilles. Voilà, ça c'est vrai pour le coup. Hein. Bon, du coup, nouveaux amis que nous rencontrerons tout à l'heure, hein, qu'on nous appellerons avec grand plaisir d'ailleurs. Ce sera aux alentours de 23h30, minuit 30 et 1h30. Et donc je rappelle que si vous avez des numéros de téléphone sympathiques de gens aussi charmants que celui-là. Va te faire enculer parce que t'es mort, et va te faire enculer. Voilà, et ben n'hésitez adorable. Pas. Voilà, adorable. N'hésitez pas, bien entendu, à donner le numéro de téléphone sur le mail de Tof et on les appellera tout à l'heure. Voilà, toph@fanradio.fr. Polo qui est très content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir rejoindre l'armée des Doux. Et ça me fait plaisir parce qu'enfin, je vais pouvoir attaquer. Enfin, je vais attendre que vous grandissiez les Doux, mais ça me fait plaisir d'avoir tous ces petits Doux autour de moi. Voilà, exactement. J'en suis plein, flatté. plein. C'est l'avenir. Et n'hésitez pas à donner des cadeaux à votre grand maître. Bien entendu, évidemment. Non, je plaisante, je veux rien. Gardez votre argent libre. Parce qu'après, il y a des connards comme ça qui demandent. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je le fais pas. Je rigolais les Doux. Gardez votre. Voilà, voilà. Très bien, parce que nous, par contre, on a prévu des petits cadeaux pour tous les Doux officiels et on vous enverra évidemment le cadeau gratuitement. On vous demandera pas de mettre un billet de 5€ dans une enveloppe comme des gros enculés. Ouais. Pas du tout. On n'est pas comme ça ici. Nous, on fait vraiment payer fun. Hein. On braque pas les tirelires des petits Doux. Exactement. On braque pas de problème. Le portefeuille de Jérôme. Voilà, le boss de la radio. Bon, il y a Grrr qui dit c'est parti pour une soirée de ouf. Et ça faisait longtemps que t'étais plus venu, Grrr, me semble-t-il. Mr Stephen King de Aziz, mort de rire. Oui, mais j'avais pas compris que c'était Asie. J'avais compris Asie, je lui dis c'est quoi ce truc. Bon, et puis on va accueillir également Edgar avec nous maintenant de Toulouse. Salut Edgar. Edgar, t'es passé il y a pas longtemps toi Edgar, non? Ouais. Avec un prénom pareil comme ça, ça m'a tiqué. Bon, alors, t'es passé pour quoi? Pour la colle? Ouais. Et t'avais déjà perdu me semble-t-il. Oui. Et tu retentes ta chance, t'as pas honte? Non. D'accord. Eh ben écoute, vas-y, je rappelle qu'il y a une Nintendo 3DS XL, c'est la dernière de la semaine qui est à gagner. Eh ben il faut faire péter la colle maintenant. Vas-y, vas-y, si quelqu'un trouve la bonne réponse, il gagne, tu perds. Vas-y. Alors, en chocolat, en bronze ou en argent doré, bonne au goûter, grave à l'église, légère au pré. Oh, qu'est-ce que c'est que cette voix de merde? Ouais, non, Edgar, c'est tendu là quand même au niveau de la douceur. Bon, je répète. Ah. En chocolat, en bronze ou en argent doré, bonne au goûter, grave à l'église, légère au pré. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de votre réponse. Vous envoyez ça au 64-900 par SMS ou au 63-22 depuis la Belgique. Et je vous mets la colle dans quelques secondes sur le Facebook de l'émission. Comme ça, vous allez pouvoir la lire et y répondre gratos. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Voilà. Et à minuit 30, eh ben, on appellera au hasard quelqu'un qui a donné la bonne réponse. S'il passe à l'antenne et donne la bonne réponse, il gagne, tu perds. S'il ne donne pas la bonne réponse ou qu'il ne décroche pas, c'est toi qui gagnes, d'accord? Ok, ça marche. Très bien, bon, de toute façon t'as pas trop le choix hein. Bon, voilà, comme ça au moins le thème est donné pour ce soir. Voilà, tu restes avec nous Edgar? Ok, ça marche. Parfait. Bon, il y aura les canulars aussi ce soir, hein, canular du jeudi. Je vous rappelle que si vous avez envie de participer à ce magnifique canular, bah, vous nous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et petite info qui sert à rien. Ah. Eh ouais, ce sont les 25 ans de LOL. Love of Flow. Love. Enfin bref, le truc qui, quand on est content sur. Non, je crois LOL. C'est. Où il y a aussi deux versions, il y a Love Out Loud, non? Je ne sais pas. Bon, moi, c'est Love Flow. Ouais, Love Flow. Et donc, c'est quoi les abréviations que vous utilisez le plus? Genre MDR, PTDR, XPTDR, LOL, justement, etc. Oui, oui, aussi, effectivement, ouais. NTN. Bon, donnez-nous, justement, c'est quoi les abréviations que vous utilisez le plus? C'est quoi la tienne, Edgar, celle que tu utilises le plus? Edgar! Hey. Malheureusement, Edgar est décédé. Il apprend une patate, Edgar. Edgar. Et nous tenons à rassurer sa famille. Ça va, il est revenu, il a ressuscité. Edgar! Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? L'abrévation que j'utilise le plus. L'abrévation, exactement. Oui. C'est une abrévation, oui, tout à fait. Bon, c'est quoi l'abrévation que tu utilises le plus? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Tu t'en rappelles plus. Genre, tu vas me faire croire à moi, là, que quand t'écris sur Internet, il n'y a pas les abréviations que tu utilises le plus. Genre LOL, MDR, PTDR. Ah, si, quand tu salues, SLTD. D'accord, ok, donc en fait tu savais pas ce que ça voulait dire, abréviation. Ah, il nous l'a fait à l'envers, Edgar. Là. Oh là là là là là là, ce jaune doux. Bon, Edgar, reste avec nous. Steven, c'est quoi l'abréviation que tu utilises le plus, toi? LOL. LOL, d'accord, ok, Toff. Moi, je pense, c'est MDR, je pense. MDR? Ouais, mais BIT, c'est pas une abréviation, c'est en tout cas. Oui, c'est un tout mot, c'est un tout. Mais ouais, je crois que c'est là, d'ailleurs l'une des rares que j'utilise. Le reste, les YOLO, tout ça, j'utilise pas. Non, YOLO, j'aime pas, moi. LOL, oui, MDR, si tu veux, mais YOLO, je trouve ça naze. Mais YOLO, c'est You Live Only Once. Only Once. Ouais, c'est ça, tu ne vis qu'une fois, ouais. Et Polo, c'est quoi, toi? Bah, je suis pas de fan, mais c'est vrai que je MDR, mets... attends, t'en mets. Je mets le MDR, ouais, parce que. Et en fait, lui, alors, il met MDR quand il rigole peu. MDRRRRR quand il rigole un peu plus. Et alors quand il met 150R, là c'est qu'il est mort de rire, tu vois. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. En gros, grosso modo, c'est ça. Hein. C'est le nombre de R qui compte. Voilà, exactement. C'est le nombre de R qui compte, exactement. Et Sandro, c'est quoi l'abréviation que tu utilises le plus dans les, sur Twitter, Facebook Ouais, c'est souvent les MDR. MDR aussi. Les smileys, bon. Beaucoup. Surtout les smileys aussi. Oui, mais c'est pas une abréviation. Mais c'est pas une abréviation, le smiley. Ah non. Bon, vous donnez vos avis maintenant. Je vais vous mettre le post sur le Facebook et sur le Twitter. Il y a Lydie qui dit bonsoir tout le monde. Salut Lydie sur le Facebook. Mister Steven qui dit l'armée d'où c'est l'avenir. Eh ben oui, c'est exactement, vrai. C'est l'avenir. Il y a Clem qui dit demain j'ai cours, mais je vous écoute, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Et Clem, fan de fun, qui dit moi j'utilise MDR. Corentin qui dit je peux avoir un message de bienvenue. Bah écoute, avec grand plaisir. Va te faire enculer, bah c'est mort, va te faire enculer. Bah voilà. Il y a Michel également qui dit merci de penser à nous qui travaillons demain. Eh oui. Alors que nous on fait pas le pont. Non. Mais bon, c'est au jour de congé, parce que l'on travaille pas vendredi et samedi, et puis on est là le dimanche. Hein. Et Aurélien qui dit salut Mickaël, salut Polo, salut l'enculé. Mais je te salue également. Voilà. Bon, allez, on écoute Pitbull dans quelques minutes sur Fun Radio. Avec We Are One. Et il y aura aussi le son de King, enfin le son de Asie avec King, qui a été demandé par Steven Ledoux. Là, je vous cale ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Soyez les bienvenus. C'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h. C'est la dernière de la semaine. Et il y a le canular qui arrive aussi dans moins de 30 minutes sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limit. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun. 23h14, les appels de Toff dans quelques minutes. Les appels, les appels malveillants, bien entendu. Que nous allons faire à caractère pornographique. C'est comme ça que la police a surnommé les appels de Toft, que nous ferons dans quelques minutes. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des numéros de téléphone à proposer, vous les envoyez sur le mail de Toft, toph@funradio.fr et MyLeague sur le Facebook. Salut Mickaël, donne un bon gros coup de pelle à tous ces connards de profs qui nous font bosser au lieu de faire le pont. Et dis-leur un bon nique ta mère. Oh, quelle violence pour les profs. Voilà, c'est mais par contre, je vais vous faire un petit message de bienvenue. Eh, ta mère, je l'appelle gentiment aussi. Voilà, tout simplement, comme ça au moins le message est passé, My League. Et Bunny aussi, LOL quand c'est pas drôle, MDA, LOL quand c'est pas drôle, toi. Morder MDR quand c'est un peu drôle et MDRRRR en majuscule quand c'est très drôle. D'accord, mais quel intérêt de mettre LOL quand c'est pas drôle? LOL, tu mets ça quand ça te fait marrer, justement. Bah, tu vois, c'est léger. Bah, c'est pas léger, non, moi, non. Non, bah, en fait, tu dis n'importe. Oui, c'est vrai, c'est idiot. LOL, c'est en anglais et MDR, c'est en français. Voilà, c'est juste la version française et anglaise, quoi. Ah, voilà, donc, il n'y a pas de plus léger ou moins léger. C'est vrai. Bon, bah, en tout cas, on en parle. 01 42 48 5000, vous nous appelez d'où que vous soyez en France. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Allez hop, c'est parti. On écoute maintenant le son de Pitbull. Pitbull et Gillo sur Fun Radio, c'est We Are One. Put your flags up in the sky. Le son de Pitbull sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, et restez bien là, puisqu'il y aura Jack Human dans quelques minutes avec I Got You. Et puis, on l'avait demandé aussi. On vous le passera évidemment, le son de Azzy avec King. C'est le jeune doux qu'on a eu en début d'émission là, qui nous avait demandé le son de Azzy avec King. Et ben, je le mettrai. Et donc, avec grand plaisir. D'ailleurs, si vous avez des sons à. Si vous voulez écouter des sons en particulier, bah vous demandez. Hein. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. On fera le top tweetos. Évidemment, tout à l'heure, on récompensera l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission qui aura posté le plus de messages avec le hashtag et Mickaël. Il y a Lucie qui dit, est-ce que Polo accepte les doux également? Bien sûr. Bah oui. Bien sûr, le masculin l'emporte toujours. C'est pour ça qu'on dit les doux. Mais dans l'absolu, tout le monde est bienvenu. Hein, bien sûr. Pas de problème. Pauline qui dit, moi, je me sers de LOL pour dire genre la blague quand c'est pas sérieux, quoi. Ou même des fois pour dire que c'est ironique. Oui, parce qu'on vous demandait quelle était l'abréviation que vous utilisiez le plus. Et je vous ai mis un post sur le Facebook et le Twitter. Donc allez y répondre. Et vous pouvez bien sûr aussi nous appeler pour en parler au 01 42 48 5000. Et depuis la Belgique au 02 851 4x0. Dans les deux cas, c'est pas un numéro surtaxé. Vous pouvez appeler. Il n'y a pas de problème. André va aussi. Moi, je dis l'éponge, je vous aime. Tu m'étonnes quand on les a, c'est clair. Jimmy qui dit salut Mickaël. Je peux avoir un message de bienvenue et un coup de pelle parce que je croyais qu'on était vendredi. J'allais vous oublier. Eh ben bravo, Jimmy. Effectivement. Et ta mère, je l'appelle gentiment aussi. Voilà, et Laura qui dit, moi, mes abréviations, c'est mort de rire, enfin MDR, PTDR, LOL ou JTM ou TFK. Genre, je t'aime et tu fais quoi, j'imagine? Peut-être. TFK. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, tu fais quoi? Ouais, je pense. Ouais, DSK. Ouais. Ouais, il y avait DSK aussi. C'est un autre, ça. Ouais, alors, en parlant de ça, si vous pouvez éviter de regarder le film de DSK, la Welcome to New York, c'est une merde. Ah bah, ça m'étonne pas. Mais une merde. Alors, désolé pour ceux qui l'ont fait. Hein. Mais une. J'ai rarement vu un film aussi chiant. On fait une petite pause ciné-toff, c'est Abel Ferrara. Ouais, Abel Ferrara. Oh putain, c'est nul. Est-ce que c'est pire que le film de. Est-ce que c'est pire que le film de Virginie Despentes? Je sais pas. Baise-moi. J'ai pas vu Baise-moi. T'as pas vu Baise-moi. Ouais, mais c'est vieux ça. C'est mais ancien. Et c'est pas mais connu. Là, Welcome to New York. Mais c'était aussi très mauvais. Hein. Ouais. Oh là là. C'est chiant. C'est chiant. Au début, à la fin, tu t'emmerdes. En fait, tu dis, il va se passer un truc. En fait, bah non, il se passe. T'as l'impression d'être dans un film de boules. Ah oui, mais. Je pense qu'en fait, s'ils en avaient fait un film de boules, ça aurait peut-être été mieux. Ah ouais. Il y a Depardieu dedans, c'est ça. Ouais, il y a Depardieu. Ça m'étonne pas. Mais je crois, t'inquiète pas, qu'ils vont en faire un, tu sais, de film de boules. Oui, sûrement. Ils attendent un peu que ça se tasse pour pouvoir. Voilà, ouais. Je pense que ça va venir. D'ailleurs, il y a le mec là, le proxénète. Qui était dans l'autre affaire avec DSK, il a ouvert. Dodo Lassaumur. Il a ouvert un club en Belgique, et à votre avis, comment il l'a appelé? DSK. Le DSK. Et donc, ça, c'est le Dodo Sex Club. Et donc, forcément, DSK, il l'a attaqué en disant, ouais, c'est mon nom et tout. Il dit, non, mais je ne comprends pas pourquoi, ça n'a rien à voir, c'est le Dodo Sex Club, il n'y a aucun. Avec un K, club. Il n'y a aucun lien. En allemand, club. Oui, club, ouais. Il y a Thomas qui dit, moi, je suis souvent LOL. Il y a Grr qui dit, l'abréviation que j'utilise le plus, c'est LOL, mais je préfère les smileys. Et les petits points écrits. Celle qui dit mes abréviations, moi c'est toujours MDR, elle dit toujours TJRS, donc en fait c'est toujours aussi l'abréviation dans l'absolu, Cristal. Nono qui dit YOLO ça craint. Ah ouais, moi j'aime pas du tout YOLO, hein. Et Corentin aussi, l'abréviation moi c'est LOL. Et alors Club Med qui dit salut la famille, je vous attendais avec impatience. Et ben nous on était plutôt contents d'être arrivés également. Et Jérémy Titi, mes amis, enfin quelque chose à la radio avec un animateur génial. Oh merci Jérémy Titi, et merci pour la petite bouteille de Mojito hier. Ah oui. Tranquille. On était bien avec sa tarte. Et oui, et pour la tarte aux pommes également d'ailleurs, accessoirement. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'aujourd'hui, on nous a ramené plein de bonbons, des sneakers et tout le bordel. Et Jérémy Titi, tu as de la chance puisque Polo a goûté ta tarte aux pommes malgré sa diète. Alors que ce soir, il a envoyé ceux qui nous ont rapporté les gâteaux, enfin les friandises. Il les a envoyés chez eux. Non, je fais une diète. Donc tu es dans l'élite. Tu es dans le membre VIP. Alors que ceux qui sont venus ce soir sont pas du tout dans le membre VIP. Rien à foutre. Hein, ça, c'est clair et net. Bon, on fera les appels de Toff dans quelques minutes, les appels malveillants. Avant ça, on a Maëva de Toulon. Salut Maëva. Salut la famille. Comment ça va? Ça va et vous? Bah oui, ça va, tranquille. Maëva, t'as passé une bonne journée aujourd'hui? Ouais, tranquille. T'as fait quoi? Rien. Je regarde la télé. Ah bah bravo, t'as regardé quoi la télé? J'ai regardé les replays des As et des Marseillais, et puis voilà. Ah ouais, d'accord, une grosse journée, hein. Oh, ah bah, faut s'occuper, ah ouais. Hein. Ah bah ouais. Bon, parlant des Marseillais, on aura les teubés de la télé tout à l'heure aussi, hein. Oui. Restez bien là, parce qu'ils sont souvent dedans, mais bon, je n'en dis pas plus, mais ils sont souvent dedans. Bon, Maëva, c'est quoi ton expression, enfin ton abréviation favorite? Moi, c'est TLTC, ça veut dire toi-même tu sais. Ah ouais, d'accord. Toi-même tu sais, tu fais une abréviation de ça, toi? Ouais. Ah ouais, et donc ça, c'est celle que tu utilises le plus souvent? Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Et quoi, genre les basiques du LOL, MDR, PTDR, etc., ça a moins? Non, LOL, oui, mais après les autres, non. D'accord, ok, très bien. Ouais, parce que tu te prends pour une américaine. Ouais, c'est ça. Bah ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. En fait, je déteste ces abréviations, et le pire, c'est Kikou. Ah, Kikou, le ouais. Kikou, c'est pas une abréviation, mais je supporte pas le Kikou et le Merki. Attends, je vais t'écrire un Kikou, tiens, voilà, hop, voilà, ça y est, je t'ai envoyé un petit message, Polo, voilà. Oh, mais Kikou, quelle horreur, alors là, là, là. Dorénavant, je ne ferai que ça. Et moi, je t'envoie un LOL. Non, mais LOL, il aime bien. C'est Merki que tu dois pas lui envoyer. Allez vous faire foutre parce que vous allez dégueulasser mon téléphone. Attends, je vais envoyer Merki. Oh, putain, voilà, ça y est, fermer ma gueule, moi, ça y est. Voilà, du Merki. polo@funradio.fr, n'hésitez pas à lui envoyer des messages avec marqué Merki ou Kikou. Mais n'hésitez pas, si vous êtes une fille à forte poitrine, voilà, à lui envoyer le même texte mais sans photo. Avec hein, la poitrine, pas. Bien sûr, avec bien entendu, voilà. Le tout, quoi. Je prends tout, moi. C'est hein, ça. Ah oui, ça, c'est sûr. Il y a Laura qui dit chalut les malades, toujours au taquet, on vous kiffe, des bisous. Ben, merci beaucoup, je te fais des gros bisous également. Et chalut, ça te dérange pas, toi, Polo? Si, je déteste. Ah bah attends, je t'envoie chalut. Oh putain, mais arrêtez! Chalut, je les mets parce que comme ça je les oublierai pas pour demain. Y'a Nono qui dit l'expression de Kikou LOL. Et Enora qui dit aussi Merki Kikou Polo. Bon, allez, continuez avec vos messages, n'hésitez pas. Hein, voilà. Bon, mais Maëva, je te fais des gros bisous en tout cas, tu reviens quand tu veux. Michael, tu peux avoir ma service s'il te plaît? Tu peux avoir quoi? Une serviette? Je peux avoir un service. Ah, un service? Ah, tu veux un service? Oui, vas-y, demande toujours. Ouais. Je peux rester avec vous au téléphone, s'il vous plaît, parce que je te traite chez moi, j'ai peur. Oh, non, mais qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrête? Mais qu'est-ce que tu fous toute seule chez toi à 14 balais? Hein? Qu'est-ce que tu fous chez toi toute seule à 14 ans? Mais c'est parce que ma soeur est partie à une soirée. Encore? Non. Ah oui! Tu nous avais déjà appelé pour nous dire que ta soeur était partie à une soirée et qu'elle t'avait laissé toute seule comme une merde. Oui. Et elle a recommencé, elle a réitéré. Oui. Mais elle est pas sérieuse, c'est quoi cette sœur? Eh, tu sais quoi, t'as une demi-heure à peu près parce que les monstres arrivent vers minuit à peu ouais, près. Ouais, d'ailleurs ils sont. Les monstres, les vampires, les trolls, Toff. Ils sont prêts. Mais le pire c'est moi. Exactement, ouais, parce qu'il y a un de ces trolls à côté. Voilà, c'est ça, tu vas regarder par la fenêtre et puis là tout d'un coup tu vas voir la tête de Toff qui va arriver. Et putain, exactement. Les lutins, les gnomes, tout ça, ça arrive à minuit ça. Voilà, c'est ça. Donc profite bien, il te reste 33 minutes et 18 secondes. Bon, arrêtez les gars, mais ça va bien se passer, mais t'inquiète. N'aie pas peur. Toff est là pour te protéger, y'a pas de problème. Merci. Merde. Non, non, Seigneur, écoute. Voilà, c'est ça. C'est... Bah, désolé, j'ai tapé exorciste pour la musique et puis c'est sorti tout seul. Ta mère suce des queues, exorciste Caras. Voilà, pour ceux qui ont mal entendu, c'était ça. Ta mère suce des queues en enfer, Seigneur, écoute. Voilà. Bon, Maëva, bah du coup, tu restes dans le standard si tu veux, c'est pas un problème. Hein. D'accord? Bon, reste là, Maëva, là, bouge pas de là. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, on va faire les appels malveillants dans quelques minutes. Eh oui, appels malveillants à caractère pornographique, c'est comme ça que la police a surnommé les appels de Toff, puisque je rappelle que Toff, c'est à une plainte. J'ai eu gueule. Ma première plainte, et oui, ça y est. Qui n'a rien donné, malheureusement, pour l'instant. Pour l'instant, pour mais l'instant. Mais tu risques un an de prison. Et 150 000 euros d'amende. Exactement. Mais t'es blindé, donc tu t'en fous. Bah, évidemment. Mais voilà, c'est ça. Écoute, évidemment, je me j'hypothéquerai la radio. Mais voilà, exactement. Sinon, tu as qu'à demander à des potes qui revendent des Porsche, tout ça. Bah oui. Bah voilà, oui, t'es tranquille. Bah oui, mais t'es tranquille. Ils paieront la sortie. Bah évidemment. Voilà. Bon, il paraît donc selon un sondage français réalisé par Ipsos, c'est sérieux? Bah écoute, comme quoi ça arrive. D'habitude, nos sondages sont pas super. Là, c'est comme Ipsos. Comme quoi, il n'y a pas que les Anglais et les Américains hein, qui font des sondages. 47% des femmes voudraient avoir plus de rapports sexuels. On parle pas de qualité, mais de quantité. Donc, les filles, venez nous dire si vous êtes satisfaites ou si vous aimeriez que votre mec vous fasse plus l'amour. Votre mec, votre plan cul, votre copain, votre copine, ouais, enfin, votre chat, votre chien. Non, n'allons pas jusque-là. Donc, toi, tu vas demander à tes amis leurs avis hein, en passant quelques petits appels malveillants. À caractère pornographique, comme bien. entendu. Donc venez nous dire si vous voulez plus de rapports sexuels. Si vous êtes en couple par exemple, combien de fois par semaine est-ce que vous pratiquez? Et puis surtout, est-ce que vous en voulez plus ou moins? Appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Depuis la Belgique, il y a Kevin qui dit chalut Polo, je voulais te dire merci pour tous les je t'emmerde que tu m'envoies par mail. Allez, nique ta mère. Ah, bravo Kevin, ça va l'énerver ça encore. Et Lorraine qui dit béni soit le pont de l'ascension car je peux enfin vous écouter un jeudi car demain zéro boulot. C'est bien Lorraine, et bien écoute, bienvenue à toi. Et Fan de Fun qui dit sinon j'utilise aussi BN, ça veut dire bonne nuit. Et Mathis aussi, mon abréviation préférée c'est MDR ou TG, dédicace à Victoria, TG pour ta gueule bien entendu. Allez, ah il y a Nano qui dit expression de kikoulol également, et continue à envoyer des messages aussi avec, à polo@funradio.fr en mettant merki, chalut, kikou, etc, etc. N'hésitez pas, vous polo pouvez, c'est P-O-L-O, bien entendu, hein, il faut bien, oui, là, tu précises, espèce de chien, voilà, là, quand c'est pour des meufs tu dis oh c'est pas vrai, quel menteur, @funradio.fr. et fun radio ce n'est pas F-E-N, c'est F-U-N. Je préfère tout épeler, comme ça on est sûr. On sait jamais. Voilà, P-O-L-O, arrobas, c'est le petit A avec le rond là, le truc là. F-U-N-R-A-D-I-O. Ah, il y en a déjà 7. .fr. Seulement ? Ouais, c'est vrai. Oh, c'est nul, c'est nul. En petite forme, les doux là. C'est nul, j'en renvoie un. Ah, ils sont en petite forme, ils sont en petite forme. Allez, balancez vos messages, les premiers appels avec Tof dans quelques minutes. On aura Yeton également dans quelques secondes qui appelle de Suisse. Salut Yeton. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, tranquille. De quoi on va parler dans quelques minutes avec toi? Bah, je voudrais faire un plan cul avec mon ex. Tu veux faire un plan cul avec ton ex? Bon, d'accord, ouais. Ok, très bien. Bah, écoute, on va en parler dans quelques minutes, hein. Reste avec nous. Juste après le son de Doug Diamond, on parle avec toi. On fait les appels de Tof, je l'avais promis. Il y aura le canular aussi dans une, même pas une, ouais, dans 20 minutes à peu près, hein. Le canular du jeudi. Doug Diamond, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. C'est I Got You. Bonne soirée sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de cons. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Et puis, bah, on va aussi mettre la nuit sans pub là dans quelques minutes. Il y aura Valentin aussi qui dit ça fait 3 mois que je vous demande un message de bienvenue, j'en ai toujours pas eu. Va te faire enculer, ben c'est mort, va te faire enculer. Bah voilà Valentin, hop là, il suffit de te demander comme quoi. Hein. Il y a Greer aussi qui dit le sexe quand t'es en couple, ça dépend. Il y a des fois où tu vas coquiner 3 fois par jour et des fois où tu vas coquiner 3 fois par semaine, voire peut-être même 3 fois par mois aussi. Hein, Greer. Il y a Kevin aussi, je les vois 2-3 fois. Je la vois, ah oui, je la vois 2-3 fois par semaine et on le fait genre 5-6 fois. Il y a Mamadou qui dit salut Mickaël, je voulais un SMS de bienvenue et salue-moi mon anniversaire. Attends, c'est quoi ? Et salue-moi mon ami Tof de ma part. Ah, salut mon ami Tof de ma part. Mais écoute, message salut. De bienvenue, avec plaisir. Et ta mère, je l'appelle gentiment aussi. Voilà, ça n'a rien à voir avec ta mère, bien évidemment. Il ne faut pas le prendre pour toi, je ne la connais même pas. Et Manté aussi qui dit moi j'ai au moins 3 rapports par semaine, mais j'ai au moins une dizaine de fellations par semaine, je kiffe et elle le sait. Bah, t'as bien de la chance, hein. C'est pas mal ça, dis donc. Hein. Putain. Hey, c'est bien, 10. Ouais, c'est pas mal. Hey, 10 par semaine, c'est quand même plutôt neuf. Ça nous fait 2 par jour, hein, c'est, pas mal, ouais. C'est une bonne moyenne. Ouais, moi, c'est pas bien. Mal, c'est pas mal. Bon, dites-nous, hein, puisque nous sommes tombés sur cette étude française et réalisée par Ipsos, qui dit que 47% des femmes voudraient avoir plus de rapports sexuels. Voilà, donc on ne parle pas de qualité mais de quantité. Donnez vos avis, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis on en parle évidemment. Vous pouvez aussi balancer vos messages sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaëlofficiel, sur le Twitter également, vous tapez mickaëlofficiel et puis bah vous me faites un petit follow et moi aussi je vous ferai un follow, je vous ai mis le post, allez donner vos avis et on lit tous vos messages en direct à l'antenne. Bon Tof, on fait les premiers appels? Mais allons-y. Allez, appel que grâce au numéro que vous avez laissé, hein, tous les jours, tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année même, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, on fait le premier appel et on va leur demander donc justement s'ils souhaitent avoir plus ou moins de relations sexuelles. Si la femme est satisfaite du nombre, oui, de rapports. Bah oui, ça sous-entend la même chose. Oui. En gros, est-ce qu'il en veut plus ou moins? Oui, enfin monsieur s'en fout, c'est madame qui compte. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on y va, on appelle. Il est 23h35 sur Fun Radio. Allez, hop, premier appel de soir. Et puis on aura Maïva, il y aura Elise, il y aura Victoria, il y aura Yeton et Edgar pour la colle. Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous trouviez que votre mari vous faisait assez l'amour, madame. Mais tu veux que je te mette un balai dans le cul? Pourquoi vous voulez faire ça, madame? Je vois pas le rapport. Je sais pas, parce que ta question est particulièrement indiscrète. Mais pas du tout, madame. Enfin, je comprends pas pourquoi vous dites ça.

Très gentil, hein. Ah, adorable. Ah bah attends, on a presque envie de les serrer dans les bras, de le faire un hug. Mais oui, un couple oui. tellement adorable. Un petit hug. Monsieur Give et, me a hug. Monsieur bah et oui. Madame sympa. Exactement, ouais. Bon, bah vous envoyez des numéros de téléphone sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Mais oui, allez-y, lâchez-vous. Il y a la Yam sur le Facebook qui dit je me faisais chier, j'ai allumé la radio et là le paradis sur terre, merci Fun. Oh bah c'est gentil la Yam, hein, je tiens quand même à te remercier. D'ailleurs, je rappelle au passage, toujours la même règle, si vous avez des potes et que vous savez qu'ils s'abrutissent avec d'autres radios le soir, mais bon évidemment ces amis ne sont pas censés être au courant, c'est vrai que quand on regarde un truc ou quand on écoute un truc, on n'a pas forcément tendance à zapper, on a les habitudes, etc. Du coup on s'abrutit bêtement. Donc comme vous êtes un ami ou éventuellement la famille, vous êtes censé les prévenir. Alors, écoute, t'es en train d'écouter un truc qui t'abrutit, donc va quand même voir ce qui se passe ailleurs. Donc envoyez-les sur Fun, qui comme ça ils se forgeront leur avis eux-mêmes, tu vois. Ils, bah oui. Voilà, ils se feront leur avis eux-mêmes. Donc prévenez-les qu'il se passe un truc sur Fun Radio. Et voilà, ici on est des enculés, mais on l'assume. C'est vrai, pleinement, c'est vrai. Voilà, complètement. C'est pas passé pour des gens qu'on n'est pas, on est des enculés. Nous c'est au sens figuré, Tof, c'est au sens propre. Évidemment, voilà, c'est enfin, la seule propre, différence. C'est la seule différence. Enfin, tout est relatif quand même. Bon, enfin, bon. Bon, il y a Maïva qui est donc bah, toujours avec nous. Il y a Elise également là qui appelle Détalville dans l'heure. Salut Elise. Salut. Ça va? Ouais. Ça va, en pleine forme, Elise. C'est quoi ton abréviation préférée, toi? Coucou, tu fais quoi? Non, mais c'est pas une abréviation, ça. Coucou, tu fais quoi? C'est une phrase. C'est TFK. Ah oui, d'accord, ok, oui, oui, ok, d'accord. CCTFK. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Attends, attends, je vais voir si ça marche bien. Attends, attends, attends. Alors, je vais écrire un message à Polo. Oh non! CCTFK. Hop. Voilà, j'ai marqué distribuer. Ça y est, j'ai reçu. Voilà, j'ai ton chalut, j'ai tout là. Voilà. C'est improbable. Ça marche? Ça marche. Bah, tu peux me répondre ou pas pour voir? Non. Ah bah, non, ça marche pas très bien apparemment. Alors, apparemment. Non, bah, je pense que ça dépend de à qui tu l'envoies. Ouais, ouais, peut-être, ouais, peut-être. Bah, Apollo, ça marche pas très bien, donc non. C'est dommage. Donc n'hésitez pas pour les autres, hein. polo@funradio.fr, vous lui envoyez Kikou, Merki, Chalut, CCTFK. Ah, il répond, je t'emmerde. Bon, comme quoi, non, il a pas compris. Parce que je lui demande pas s'il va bien, je lui demande ce qu'il fait. Oui. Donc, moralité, ça fonctionne pas très bien. Bon, attends, il y a Victoria également qui est avec nous de Mulhouse. Salut l'Alsace. Salut. Comment ça va? Bien. Bon, c'est quoi ton abréviation préférée, toi, ma belle? Ah. Bien, c'était CC comme Elise, mais sinon j'en ai aussi un autre. C'est quoi? SLT, qui veut dire salut. Ouais, il y avait salut également, ouais, c'est vrai. Ou alors, tu utilises quoi d'habitude? Il y a que cela ou il y en a d'autres que tu utilises un peu plus? Ça dépend, en fait. Ça dépend, bah oui, ça dépend de la conversation. Oui. Voilà, et tu peux aussi mettre, quand tu cries à Tof, par exemple, quand t'écris à Tof, t'as déjà écrit à Tof? Non. Bah, tu peux mettre TDC. C'est de con. Tête de con également, mais c'est vrai, hein. Ouais. Moi je connaissais DTC, mais... Ah, DTC, oui, dans ton cul aussi, ouais. C'est vrai, ça peut fonctionner pareil, exactement. Ouais. Bah, merci les filles d'avoir appelé, vous revenez quand vous voulez les filles. Nickel. Oui, Elise. Hier j'ai fait mascara OP et je voudrais te demander aujourd'hui si je pourrais faire partie de l'armée des doux. Ah, oui. Une première fille dans l'armée des doux. Non, là j'ai eu. Je tiens à préciser au mec qui m'a envoyé un mail, ce n'est pas l'armée des sous. Et je ne déteste pas des bouteilles pour. On va pas se bourrer la gueule. Voilà, se bourrer la gueule les week-ends. C'est bon, l'armée des doux. Je te passe Polo. Je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Tu fais donc partie de cette armée bientôt, Elise. Je te passe Polo. Jeune douce. Est-ce que tu es là? Oui. Comment t'appelles-tu? Élise. Élise, mets-toi à genoux. Je peux pas, j'ai mal au genou. Bon, ça commence bien, Élise. Ah bah bravo, bah alors qu'est-ce que tu fais? Bon, dérogation, c'est comme si elle avait les pieds plats. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Bon, Élise, tu veux rentrer dans l'armée des doux? Oui. Je pense que je peux répondre à ta demande, moi qui suis le grand maître de cette armée. Élise, insulte-toi. Correctement, bien entendu, t'es une fille. Hein. Insulte-toi correctement. Une connasse, une salope, une pute. Très correct. Hein, oui. C'est ça, très correct. Je pense qu'on n'a pas la même définition du mot. Élise, est-ce que tu as ton téléphone dans la main? Oui. Tape-toi la tête avec. Ça suffit. Ça suffit. Elle va s'ouvrir le crâne, ça a pissé le sang partout. Élise. Oui. Tu es une douce, bravo. Bienvenue dans l'armée des voilà. Doux. Bravo! Bon, il va falloir assurer avec tous les mecs qui vont te prendre la tête, hein. Voilà. Parce que c'est jamais facile, hein, quand il y a une flic, quand il y a une femme flic, ou une femme gendarme, ou une femme militaire, etc. Ah, mais après, toutes les douces peuvent venir. Tu es première douce de France. Non, c'est la seconde, on a déjà eu une. Ah, tu es seconde douce de France. Voilà. Et son nom, c'est? le nuage qui vole au-dessus des doux. Le nuage qui vole au-dessus d'un nid de doux. Ouais, parfait. Voilà, le nuage qui vole au-dessus d'un nid de doux. Bon, c'est un peu long, mais tu t'en souviens. Oui, ça va être compliqué après à écrire, hein, mais bon. Ouais, mais les filles écrivent mieux que les mecs, donc ouais, on peut se permettre de faire. Il faut pas l'oublier, Elise, hein, d'accord ? D'accord. Bon, allez, je te fais des bisous, Elise, et merci d'avoir appelé Fun. Tu reviens quand tu veux. Salut, salut. D'accord. Allez, à bientôt. Ciao à toi, bye bye. Bon, alors, on va déjà découper les sons de notre ami là tout de suite qu'on vient d'avoir là. Il y a du lourd. Il y a du très lourd. C'est pas lourd, c'est on ne peut plus lourd. Ah non, mais lui, il était phénoménal. Il était magnifique. Alors, je vais vous passer ça dans quelques minutes. Vous restez bien sur Fun Radio. Dans quelques instants, je vous tape le son de Asie avec King. Il y aura aussi le son de Kesa avec Hideaway. Et puis bah, tous vos messages qui arrivent en direct, hein, dites-nous d'ailleurs aussi les garçons, les filles, là, comme on est tombé sur cette information Ipsos, 47% des femmes souhaitent faire l'amour plus souvent qu'aujourd'hui. Donc si vous avez vous aussi votre avis à donner, est-ce que vous souhaiteriez faire l'amour plus souvent qu'aujourd'hui? Et en gros, bah, combien de fois vous faites l'amour par semaine ou par mois, je sais pas. Vous nous dites tout ça, vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël, No Limit dure longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my God! Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, et Gadilek qui a envoyé son message là. Et bonne nouvelle également, là, c'est parti, il n'y a plus de pub maintenant jusqu'à la fin de l'émission. Il y a Dilek qui dit je vais te priver de radio pendant 21 jours. Oh. Bah merde, pourquoi Dilek, qu'est-ce que t'as foutu là? Bah dis-nous là, balance l'info. Il y a Mystique qui dit moi mes abréviations les plus utilisées, c'est MDR, LOL, JTD, TFK et CC. Et Jules qui dit salut l'équipe, j'ai des potes qui écoutaient une émission de merde sur l'autre radio. Et depuis que je leur ai dit d'écouter Mickaël, ils s'enjaillent tous les soirs. Merci les gars de nous faire marrer tous les soirs. Ah bah merci et non, Jules, voilà. Et merci pour la pub en tout cas. Lui et... au moins voilà, c'est un bon lui. Ouais. Et qui coule là tous ses potes. Et évidemment. Il y a Fred Rialba qui dit Mickaël, lis s'il te plaît ce message. Il y a Anthony, il m'envoie des messages que tu lis pas les messages Facebook. Je lui ai dit que oui mais il croit pas. Bah oui en fait, si je les lis Fred Rialba, mais on va pas tous les lire à l'antenne non plus. Hein. Et Marius sur l'application Mickaël No Limit qui dit je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît. Alors évidemment avec grand plaisir, puisque nous avons un nouveau stock qui vient d'arriver grâce à l'appel qu'on a fait il y a 20 minutes chez cette charmante personne. Tu vas tellement te pisser dessus qu'on va t'enterrer sous terre. Voilà, c'est très sympathique quand même. Hein. Va te faire enculer, va enculer ta mère. Ta mère, je la baise par tous les trous. Hein. Elle aime la bite. Quelle violence. Comment tu peux dire ça? Mec, au téléphone. Attends, il y en a un autre. Il y en a un autre. Va enculer ta mère, je te dis, pédé. Voilà, et puis alors... De trou du cul. Hein. Voilà, et puis après, il y avait celui-là. On va t'enculer. Et si moi, je te tombe dessus, tu risques de finir dépecé. Tu vois ce que ça veut dire, dépecé? Ouais, on voit bien, ouais. Et alors, le petit dernier, hein. Ouais, écoute-moi, petit merdeux. Tu sais quoi? Tu vas aller te faire enculer. Ta mère, elle va te faire enculer. Tu vas aller te faire enculer. Et tu nous casses pas les couilles, ok? Ah, tout cet amour. Ah, non, mais là, on est au top, là. Voilà, Félix qui dit au fait, j'ai zappé un message de bienvenue pour mon chef Olive qui vous écoute. Ah, bah là, je pense qu'il a eu sa dose, là. Et Fan de Fun qui dit, chahut la famille, qui coupe au lot. Je voulais juste te dire merci d'être là tous les soirs avec Mickaël. Oh, mais putain, arrêtez avec ça, j'ai reçu 10 mails. Eh bah, continuez, là, c'est peu, là. polo@funradio.fr. Laura qui dit, mes abréviations, c'est LOL, LOL, ou encore MDR basique, quoi. Et mon chéri, c'est WTF pour What the fuck. Évidemment, bien entendu. Bon, continuez à nous appeler, continuez à délirer avec nous. On est là jusqu'à 2h du mat. On aura dans quelques minutes les teubés de la télé. Et puis on va faire un point top tweetos dans quelques instants également. Avant cela, nous allons accueillir, bien sûr, comme tous les jeudis soirs, le canular du jeudi. C'est avec Marine qui est avec nous ce soir. Salut Marine. Salut tout le monde. Salut. Comment ça va? Bah ça va bien et vous l'équipe? Oh, tu peux juste me dire bonjour à moi. Les autres s'en branlent, y a pas de souci. Bon alors, tu nous appelais pour faire un petit canular. On va piéger qui? Voilà, en fait on va piéger une très bonne amie à moi qui s'appelle Camille. D'accord. Alors qu'est-ce que t'as prévu comme idée là pour la rendre ouf? Mais je pensais lui faire croire que je plaquais tout en fait pour partir vivre à La Réunion avec un mec que j'ai rencontré là récemment. J'avais eu le coup de foudre, il me proposait un boulot et donc du coup voilà, on part sous peu pour faire notre vie là-bas tous les deux. Ok, parfait. Alors donc évidemment le mec sur lequel t'as craqué c'est Michel, bien entendu. Voilà. Et elle fait quoi dans la vie? Elle est étudiante aussi? Non, elle est secrétaire médicale. Est-ce qu'elle s'énerve rapidement ou... Non, elle est vraiment super calme, elle râle jamais, elle écrase pas une mouche. Ah bon, on va se marrer, tiens. Elle n'écrase pas une mouche. Elle c'est une belle expression, elle n'écrase pas une mouche. Bah écoute, on va essayer de l'appeler. Alors donc tu vas dire quand t'as rencontré le Michel, on est censé s'être rencontré où alors? Ben en fait comme je suis en alternance, je vais lui dire que t'es un ami de mon patron que j'ai rencontré la semaine dernière. Ouais. Et voilà, on a beaucoup discuté et du coup voilà, c'était le coup de foudre. Alors ce qu'on va faire à la limite, parce que si tu dis qu'elle s'énerve pas rapidement, ce qui serait bien c'est éventuellement, donc tu lui dis tout ça, hein, que tu vas partir à la réunion avec le mec, et en plus à trouver du boulot là-bas, etc. Et moi, une fois que je vais la voir au téléphone, j'essaierai de lui faire sous-entendre qu'en fait, je m'en branle de ta gueule, t'es juste mignonne et que je vais le foutre sur le trottoir. Et okay. Donc, histoire de arrondir les fins de mois, quoi. Okay, ça me paraît pas mal. Marché. Écoute, on verra bien. On va jouer pour une Wii U, là maintenant. La Wii U, la Wii Mini qu'on va filer toute la semaine. Ah ouais, allez, ouais. C'est parti, on y va. Bonne chance, Marine. On appelle Camille tout de suite. Allez, allez. Et donc, on est dans la voiture. Hein. Ok, on est dans la voiture. Parfait. Non, bah non, je vais prendre mes vrais bruits. Je crois que je le faisais vachement bien. Non. Allô? Oui, c'est moi, ça va? Oui. Je sais pas comment te dire. Le truc, c'est que si tu veux, comme je t'ai dit, je cherche du boulot pour septembre. Et en fait, la semaine dernière, avec mon patron, on est allé manger avec des amis à lui. Et j'ai rencontré donc un de ses amis qui, en plus, a déjà vécu à la Réunion. Et en fait, on m'a vraiment bien sympathisé. Merde, si on est dans la voiture, voilà, je peux plus utiliser mes toilettes. J'ai comparé avec lui la semaine dernière. Et franchement, j'ai un espèce de coup de foudre pour lui. Enfin, il est tellement adorable. Et donc, en fait, lui, si tu veux, il repart à la Réunion. Et en plus, il a ouvert une entreprise là-bas. Donc, il m'a proposé de bosser avec lui. Donc, je donne une réponse rapide. Oui. Donc du coup, je lui ai dit oui, je t'avais parlé du fait d'aller vivre à La Réunion. Donc, C'est bon, c'est pas ta mère, hein, faut peut-être pas en parler pendant 107 ans non plus, là. Bah, attends, faut bien que j'explique à Camille quand même. Non, donc il est avec moi, là. Tu me dis, je l'appelle 5 minutes, je la préviens, j'ai l'impression que tu racontes ta vie à ta mère, là. Bah, c'est qui, le mec, là? C'est lui, c'est Michel, il est avec moi. Mais c'est cool, mais il sort d'où, ce mec, en fait? Mais je t'ai dit, je l'ai rencontré par mon patron la semaine dernière. Je l'avais déjà vu une ou deux fois au bureau. Et là, du coup, je l'ai revu. Il m'a demandé ce que je faisais après les études. Il dit que je savais pas. Il m'a parlé de La Réunion. Il m'en a parlé. Et franchement, je l'apprécie énormément. Et voilà, quoi. Donc, j'ai besoin de t'en parler et de te le dire, quoi. Après, je pense que j'ai besoin que tu me soutiennes, quoi. Parce que c'est un grand pas, tu vois, de tout lâcher pour aller là-bas. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Mais tu sais, quand ça me saoule, c'est qui? Je te soutiens, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Non, laisse-moi parler avec Camille. Ou... Je peux en démarrer là ou pas, là? Oui, enfin, mais t'es dans ta voiture ou quoi, là? Oui, il est avec moi. Il était avec moi chez lui. Et attends, mais pourquoi tu m'en as pas déjà parlé, je comprends pas. Oh là là. Mais parce que j'avais peur que tu t'énerves. Eh, Marine. Oui. T'as pas envie de boire un truc, là? Il y a un distributeur, là, à la pompe, là. Oh, il a quoi, ces conneries, là? Enfin, il a beaucoup d'humour, je veux pas qu'il te choque. Mais attends, mais c'est qui ce mec là? Et je vais te le présenter dans tous les cas avant de partir parce que. Ouais, ça me fait à la limite, bon bah passe-la moi deux secondes là, comme ça on fait les présentations, on va pas y passer la nuit. Je vais lui expliquer. Attends, c'est un ami à qui? Il y a ta mère ou c'est un ami? Allô? Ouais. Salut, c'est Michel. Allô? Ouais. Ça va? Ouais. Bon, j'ai cru comprendre que Marine devait te demander, je sais pas quoi, faut que j'aie rien compris, moi apparemment elle devait voir que tu la soutiennes, bon bref, je sais pas quoi. Donc tu la soutiens? Ben oui, je la soutiens, mais parfait, j'ai pas tout compris. Bon, l'affaire est pliée maintenant, c'est bon, bah va très bien, bah écoute, génial alors. Parce que nous on partait ce week-end. On partait ce week-end juste pour faire pour que je montre pendant une semaine, quoi, que je lui montre un petit peu l'endroit, la maison, etc. Et puis après elle a des examens là à passer et puis bah du coup nous on était partir vers juillet, quoi. En juillet. Ouais. Bien sûr, elle travaille encore en juillet. Oui, mais justement, je vais trouver un autre travail. Elle a pas inventé l'eau chaude, hein. Il va se calmer. Marine, c'est quoi cette connerie là? Je lui explique des trucs et elle fait son intéressante, genre oui, chéchin, oui, bien oui, mais en plus elle travaille. Donc je t'explique tout à l'heure, je te dis depuis tout à l'heure, on a trouvé un nouveau travail, je lui ai trouvé un nouveau travail. Elle va partir à la réunion avec toi. Voilà. Ouais, bah elle va revenir de suite, quoi. T'as l'air fin. Dis donc, un peu de respect quand même, là, on se connaît pas, que je sache. Oui, non, mais enfin... Oui, non, mais enfin... Rien qu'à t'entendre parler... Non, mais ça n'a rien à voir. T'as pas inventé l'ocean, hein. Ah bon, bah dis donc, moi je pose pas des questions stupides. C'est une connerie, mais je suis sûr que c'est une connerie. Ouais, bah ça va être une connerie. Bon, bah très bien, écoute, moi il y a pas de problème. Écoute, je te la repasse. Hein. Bon, écoute, je lui ai tout expliqué. Marcani, tu ne parles pas comme ça. Enfin, je sais pas, respecte-le quand même. Hé, de toute façon, elle a pas l'air fut-fut. Ouais. Hein donc, non, mais allez là, pas vous embrouiller non plus. Donc Camille, je t'explique, comme c'est un ami de mon patron, oui certes j'étais censée travailler jusqu'à fin septembre, mais comme c'est un ami de mon patron, Anthony il est d'accord qu'on fasse une rupture de contrat et que je parte avec lui. Ah bah de toute façon, d'accord ou pas d'accord, on s'en fout, il va pas aller chercher là-bas. Hein. Lui, il est censé être chef d'entreprise. Oui, il a une entreprise à La Réunion. Donc, il a quoi comme entreprise à La Réunion? Il a une entreprise de communication événementielle et c'est exactement dans ça que je veux travailler. Donc bon, si tu veux, voilà quoi. Après, je veux pas que vous vous embrouillez, je voudrais te le présenter. Ouais. Attends, mais le mec qui parle comme ça, t'as envie de tout quitter pour aller vivre à La Réunion avec Je te jure que c'est un mec, il est adorable. Mets-le au parleur. Tu me soutiens même pas, quoi, Camille. Je suis hyper mal, je suis stressée, j'ai mes examens. Et toi, t'en as rien à foutre. Tu me dis, c'est quoi ça? Non, mais Marine, que tu partes à La Réunion, mais je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche pas, non, forcément. Eh ben voilà, ah bah merci, t'en fiches, ça va. Non, Marine, forcément, si t'as... Si t'as un boulot là-bas, ça me fait plaisir que tu... Enfin, voilà, si tu peux avoir un super boulot là-bas, forcément, moi, je viendrai te voir, pas de soucis. Mais si, mais je suis désolée, c'est le mec qui me plaît pas, là, rien qu'à entendre parler. Mais tu le connais pas, tu l'as pas encore vu, il est super sympa. Mais oui, il me connaît pas, oh là là. Voilà, tu le connais pas, franchement, je te jure, il franchement, c'est vraiment... Il est trop cool, attends, il est venu dormir à la maison, Mimi, elle l'adore, quoi. Ah bah tiens, ma grand-mère elle l'adore donc. Je suis pas au courant quoi. Mais non, parce que justement je voulais prendre le temps de t'en parler en fait. Eh bah si on avait su, on aurait pris un peu plus de temps. Hein. Ah bah rajoute pas. Non mais te braque pas, il a beaucoup d'humour, tu vois, c'est tout. Enfin, c'est les mecs, tu les connais. Enfin, je sais pas si avec elle l'humour va vraiment passer, hein, vu comment elle a l'air un peu. Oh bah il peut parler, ouais. Elle a l'air un peu coincée là. Non mais j'ai vraiment envie que vous... Moi j'ai l'air coincée. Non mais j'ai vraiment envie que vous entendiez bien quoi. Enfin, ouais enfin, bah on va s'entendre mais loin tu vois. Bah Marine. Oui. Elle ressemble à quoi physiquement ta copine? Bah écoute, je sais pas, elle est blonde, elle est grande, on a déjà parlé, elle est super jolie. Ouais parce que ça pourrait m'intéresser, alors attends, je vais quand même. Non mais lui il arrive. Elle cherche quoi dans elle cherche un travail dans quel domaine? Non mais elle a déjà un boulot, mais après tu pourrais venir à La Réunion bosser avec nous si tu veux. Bah, tu sais très bien que dans tous les cas on en avait parlé et s'il n'y avait pas de travail à la rentrée, je serais partie avec toi. Oui, bah tu peux toujours lâcher ton boulot, regarde, moi je lâche le mien, on peut partir à deux, à l'aventure, on part là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme étude? Et enfin non, je m'en fous, de toute façon pour faire ce qu'il faut faire, il n'en a pas besoin vraiment, mais. Bah si tu veux, suis-nous Camille, on part ensemble, il est super sympa, il a des potes adorables, enfin je t'emmènerai pas voir n'importe qui, tu me connais quand même. J'ai sens le truc bizarre. Attends, repasse-la moi, je vais lui proposer, on sait jamais. Ouais, attends, écoute, il va t'expliquer si tu veux, mais sois gentil avec lui, arrête de l'engueuler quoi. Si tu l'engueules, j'y vais. Voilà. Oui. Bon, bah du coup, tu peux aller chercher un truc à bouffer là, vite fait à la station là. Tu prends un petit sandwich pour moi, vite fait. Ok, j'y vais. Ouais, voilà, suite. Marine, non mais t'as craqué Marine. Allô? Ouais. Bon, c'est vrai que si t'as envie de venir avec nous, et pas de problème, hein, plus on est de fous, plus on rit. En plus, moi, c'est j'ai un travail, j'ai un travail pour deux. J'ai un travail pour plein de monde, moi. Et t'habites à La Réunion, toi? Ah, moi, j'habite à La Réunion. Là, j'y suis pas, évidemment. Mais sinon, oui. Mais je suis pas d'origine là-bas. Je suis pas de là-bas. Hein. Moi, c'est juste un business. Tiens, moi, je suis là-bas 6 mois par an, quoi, si tu veux, grosso modo, là. Et donc, j'ai une entreprise, ouais. De communication. Ouais, voilà, c'est ça, de communication. Bon, après, comment t'expliquer? Hein? Et t'es un ami de la mère de Marine, c'est ça? Non, moi, je suis... Je pense qu'elle s'est un peu embêdée dans les explications. Ouais. Donc si tu veux, moi j'ai une entreprise de communication. Donc ça c'est l'entreprise. Et puis après, moi je fais travailler plein de gens. Tu vois, donc surtout des filles parce que les clients en général ils préfèrent. Et donc nous c'est un travail, ça rapporte bien. Ça dépend évidemment. Plus t'es mignonne, plus ça rapporte plus évidemment. Tu vois. Donc voilà. Après moi elle m'a montré une photo de toi là et. Et ouais, effectivement, ça peut être intéressant, ouais. Moi, je l'ai envoyé par mail à mon associé qui est là-bas. Là, j'attends juste qu'il me réponde pour voir si ça pourrait être intéressant. Et puis, ouais, nous, il y a pas de problème, nous, on est ouverts. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, écoute, réfléchis, réfléchis. Bah, de toute façon, je vais te la repasser parce qu'elle revient là. Donc, bouge pas. Attends, bah voilà. Attends, bah ouais, bah très bien. Ah bah merci. Tiens, bah je te la repasse. Ah ouais. Oui, bon, ouais, ça va mieux. T'as dû parler un peu avec lui. Non mais Marine, ça changera rien. Mais putain, mais pourquoi tu veux pas m'écouter? Tu voulais la mettre sur le trottoir ou quoi? Mais il connaît qui? Il connaît ton patron, c'est ça? Ou il connaît sa mère? Non, il connaît mon patron, si tu veux. Et c'est par mon patron que j'ai rencontré. Et il a essayé de le baiser avec l'histoire de la mère, là. Franchement, je te jure, enfin, je sais pas, c'est un amour. Bah oui, c'est un amour. C'est bon, j'ai reçu. Tu peux lui dire. Ah, c'est il va bon, calmer, lui. J'ai reçu le mail de l'associé, là. Écoute, il a vu la photo, il est plutôt content. Hein, donc, ok, c'est bon. Parce qu'en fait, si tu veux, il a une boîte de communication, mais il fait aussi escorte pour les soirées privées. Mais bon, voilà, ça fait toujours de la thune, c'est un bon taf, on est dans les villes, parce qu'il ne comprend pas. En même temps, on bosse dans la com un peu, il organise des événements, et des fois, on accompagne des clients. Mais bon, t'inquiète pas, on couche pas avec, c'est juste les accompagner en soirée, quoi. Non mais Marine, mais n'importe quoi. Je te connais par cœur, Marine. Honnêtement, je te connais par cœur. Je sens qu'il y a un truc bizarre. Bon, est-ce qu'elle dit oui pour le boulot ou est-ce qu'elle dit merde? Tu dis oui, tu dis merde. Ah, je lui répondrai quand je l'aurai vu en face. Eh bien écoute, je peux te le présenter ce week-end? T'as vu comment il parle? Je suis désolée, je peux pas apprécier une personne comme ça. Pour oh là là, comme ça. Elle est prout-prout. Oui, je te l'avais dit, t'as raison. Ah ouais. Bah ouais, là, elle est un peu prout-prout. Quoi, Marine? Je suis prout-prout, moi. Toi, t'es un peu con-con aussi, hein. C'est drôle, ça. Bon, est-ce que tu peux faire un sport ce week-end avec Ricani, s'il te plaît? Bah, tu me présentes si tu veux. C'est quoi son nom de famille? C'est Michel, je m'appelle double Michel parce qu'en fait mes grands-parents à l'époque, si tu veux, il y avait mon arrière-grand-mère qui avait trompé mon grand-père, arrière-grand-mère, et du coup elle s'est remariée avec un mec qui s'appelait Michel, résultat ça fait Michel, bon, une histoire. Ah, tu vois, il a de l'humour, on va bien rigoler avec lui, donc c'est s'il te plaît. C'est pas l'humour. Ça coule avec lui, quoi. Je vois vraiment des projets d'avenir avec lui, quoi, je te jure. Mais n'importe quoi. Marine. Je te l'ai dit, il a 32 Marine. Ans. Marine. Oui, mon cœur. Oh, c'est un peu la galère. Oh, rappelle-moi mon cœur encore un coup. Oh, c'est mignon. Ouais. Ça venait tellement naturellement et tout en plus. Là. Vas-y, répète. Marine. Oui. Ah bah non, bah refais-le bien là. Dis un peu mon amour. C'est une grande. Attends, j'en vais. Marine. Oui, mon amour. Oh, parfait. Ah bah tu vois, finalement, on n'a pas perdu notre soirée. Non. Voilà. Donc du coup, Michel, voilà, ça fait mal. Je voulais te dire tout ça et je me sens beaucoup mieux de te l'avoir dit. Ah putain, sa mère, la putain de sas. Ça va, Michel? Ah, je me suis tué le genou. Ah putain, j'arrive plus à le bouger, hein. Tu vas voir qu'il est cassé. Non. Oh là là, mon pauvre Michel. Bon, Camille. Mais attends, vous êtes combien là? Là, on est plusieurs, mais c'est parce qu'en fait, t'es sur Fun Radio, c'est pour ça. Bon, par contre, je me suis vraiment fait mal au genou. Hein. Oui, bah là oui. Oh là là là là là là là là. Ah, mais je sais pas qui est le con qui a fait ce studio. Bon, Camille, bah écoute, bon, je te fais des gros bisous. Vous repartez avec la Wii Mini. Après, vous vous arrangez. Hein. Qui chope quoi, vous vous démerdez. Vous vous arrangez avec Sandro au standard, d'accord? Eh bah, ben merci beaucoup, vous êtes une super équipe et on vous fait un gros bisous. Bon, bah gros bisous à vous deux, à bientôt merci, les filles. Merci beaucoup, à bientôt. Ouais, merci, bonne soirée. Bon, et puis si vous voulez faire un canular également, là, n'hésitez pas. Bon, il y a Fan de Fun qui dit bof, il n'y a pas eu trop de délire. Ah, c'est vrai qu'on a essayé. Hein. Putain, j'ai tout fait pourtant. Hein. J'ai essayé de la faire passer pour une pute, j'ai essayé de la faire venir en tant que Mac et tout. Mais bon, voilà, après, le canular que j'ai préféré, c'est celui où Michel médite avec la musique et tout. Ah oui, putain, il était drôle, chien. Par contre, je soupçonne que tu aies fait exprès pour la jambe. Ah non, vraiment, je me suis fait un putain de mal de chien. Non, là, ouais, en fait, ils ont mis des équerres en dessous de la table de mixage. Et je sais pas, je me suis tapé le genou dans l'équerre. Bien sûr. Mais pourquoi j'aurais fait exprès? Je sais pas, comme ça, il y a un mec qui vient pour nous faire un peu de sport. Et bizarrement. Non, mais de toute façon, moi, avec mon dos, si tu veux, comment te dire que c'est impossible? C'est vrai, le dos. Ah non, mais je peux pas, je me suis tué le dos il y a un mois là maintenant ça commence à aller mieux là. Non vraiment. Si, puis on a vu le bleu. Ça attends, et il était là le bleu hein. Bah oui. Non mais il faut le presser parce que de la manière dont tu le dis c'est on a vu le bleu, c'est genre il y avait la taille d'une pièce d'un euro là. C'est lui qui disait qui sous-entendait que c'était il faisait le malin là, il mériterait d'être en oui, au coin pendant une minute, mais on va mettre un titre là. Il y a Thomas qui dit ça y est, elle a monté en pression là la meuf là. Elle avait un peu l'air montée puis bon. Il y a Cédric qui dit t'as l'air un peu con quand même. Oui, c'est vrai. Ryan aussi, j'adore, il a pas inventé l'eau chaude lui, ça c'est quand même relativement bâtard. Nadia qui dit on pourrait penser que c'est plus sa meuf que sa meilleure amie. Andréva qui dit Michou, l'amant fou et sadique. Et Mister Steven qui dit Michel dès le départ il me fait rire. Ah bah écoute, c'est gentil pour lui bien entendu. Allez, vous balancez vos messages, on aura les teubés de la télé dans quelques minutes. On a également Yeton dans quelques instants aussi. Et puis on fera d'autres appels avec Tof dans une vingtaine de minutes. Continuez et appelez-nous pour nous dire si vous souhaitez, si vous souhaiteriez plus de relations sexuelles dans votre couple aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient le nombre de relations sexuelles que vous avez aujourd'hui? Voilà. Déjà, si j'en avais une, ça serait bien quand ouais, même. Ah bah, sous réserve que vous avez vous êtes ouais. en couple évidemment. Une par an, bien voilà, sûr. Même 10 ans. Même évidemment. Tous les 10 ans, je prends moi. Donc dites-nous si vous êtes en couple et puis combien de fois par jour, semaine ou mois vous faites l'amour et si vous voudriez plus ou moins. Puisque je rappelle également que c'est une étude Ipsos qui a dit que 47% des femmes souhaiteraient avoir plus de relations sexuelles. Bon, mais oui. Ça, c'est dit, c'est fait. Les on va donc, bah oui, on va donc en parler dans quelques minutes. On va se faire la colle également. Voilà, un petit rappel avec Edgar. Et puis le jeune doux du début de l'émission, on va demander le son de Asi, le dernier avec King. Et ben on se le met maintenant sur Fun, c'est la nuit sans pub. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Ça avait été demandé tout à l'heure, le son d'Asie avec King. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, et restez bien sur Fun Radio puisque je vous cale tout à l'heure le son de Katy Perry, Birthday. Il y aura aussi Avicii. C'est un de mes sons préférés, ça, pour l'instant, sur Fun avec Lay Me Down. Et puis si vous avez envie d'écouter un son, hein, bah, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Vous balancez vos messages maintenant avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission, tout simplement. Sarasvati qui dit pour Polo, je voudrais bien être ta muse, mais tu préfères les rousses aux gros seins. Ah, du coup, je suis hors jeu. Oh, non, moi je prends tout avec sans seins, rousses, sans dans... cheveux. Ah ouais, il est pas dans le détail. Naine, sans jambes, moi complètement. Je prends tout. Il y a Jacques qui dit il a bon dos le dos. Non mais sérieux, Jacques, t'as quand même pas vu. Attends, va voir, il y a un mois, regarde dans les vieux posts que j'avais mis sur le Facebook, le bleu que je me suis fait, c'est-à-dire qu'il faisait tout le bas du dos, sérieusement, donc je me suis vraiment vautré et vraiment je me suis ramassé. Ça fait encore mal aujourd'hui, évidemment ça a non, c'est vrai. Mieux qu'avant, enfin qu'il y a encore une semaine ou deux ou trois, mais sérieux vraiment. Il y a Sandrine qui dit putain je suis cané mais je vous assure quand je vous. Mais quoi ? Mais je vous assure, même KO par la maladie, je vous kiffe grave, encore plus efficace que antibio ou anti-inflammatoire. Ben merci Sandrine, pardon. Gros bisous à toi Sandrine. Et en parlant d'anti-inflammatoire, j'ai dû donner des anti-inflammatoires à mon chat. Non ! Si, devinez ce qui lui est arrivé cet abruti. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben c'est un idiot. Ah bon ? Ah oui, il est complètement con. D'ailleurs, il y a la vidéo du chat sur le Facebook et le Twitter, vous pouvez les voir, et sur la page YouTube. Hein. Abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne YouTube et je m'abonnerai à la vôtre également. Tapez Mickaël officiel. Et donc cet idiot, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il y a un escalier chez moi. On peut avoir une musique d'histoire. Musique d'histoire, oui. Si j'aime tu veux, bien. On peut mettre, on peut mettre une petite musique allez, d'histoire. Alors attends. C'est pour mon confort auditif. Ouais, je sais bien. Attends, je vais t'en mettre une petite d'histoire là. Voilà. Donc mon chat. Ah, belle histoire là. Mon chat qui est complètement con, qui s'appelle Izzy pour ceux qui ne connaissent pas, elle a 6 mois. Et donc elle décide, donc il y a l'escalier qui monte, donc il y a l'escalier qui arrive d'en bas. Et puis après il y a l'escalier qui monte. Sauf que l'escalier qui arrive d'en bas, il est en carrelage en béton quoi, enfin en carrelage. Ouais. Et puis l'escalier qui monte, il est en planche de bois et il y en a un qui est fermé, l'autre pas. Et voilà, c'est ça, il y en a un qui est fermé, l'autre pas. Sauf que cette espèce d'idiote, quand elle arrive sur la première marche de l'escalier qui est pas fermé, au lieu de faire le tour pour descendre sur l'escalier qui lui est fermé, non, il faut qu'elle saute à travers la rambarde, si tu veux, tu vois. Sauf que il y a un moment, elle saute vers moi. Je la vois qu'elle se casse la gueule, je la rattrape, bon prince comme je suis. Sauf qu'il y a un moment, j'étais pas là, enfin je l'avais pas vu en tout cas. Donc elle saute, et puis là, tu sais, comme dans un dessin animé, elle est restée là. Et puis, boum. Voilà, merde. Donc elle est tombée d'un étage. Donc je peux dire qu'elle faisait beaucoup moins la maligne quand elle était en bas. Donc résultat, bon, elle avait rien cassé, mais donc du coup, on doit lui donner des anti-inflammatoires. Ouais. Voilà, parce qu'apparemment, elle s'est quand même bien fait mal, cette espèce de. Faut quand même être con quand même. À moins qu'elle ait voulu se suicider depuis qu'elle a rencontré Polo et Tof. Peut-être qu'elle a voulu mettre fin à ses jours. On ne sait pas. C'est possible. Ouais. Peut-être qu'il faudrait l'emmener chez un psy. Bah écoute, pourquoi pas. Une psychothérapie pour chat. Mais oui, ça existe. Hein. Est-ce que Rabbi Christophe, il peut danser sur cette musique? Mais non, bien sûr. Allez Christophe. Allez. Rabbi Christophe, elle va danser. Hey. Ah, il pourrait. Mais c'est parce qu'il ose pas, mais au fond de lui, il est pas mauvais. C'est peut-être parce que j'ai pas le rythme. Ah, c'est possible aussi. Anthony qui dit salut l'équipe, une pensée à tous ceux qui travaillent ce soir comme moi. Bah merci Anthony. Et puis bah bon taf également là. Tu fais quoi sinon là, et jusqu'à quelle heure tu bosses? Il y a Colline aussi. Claire, ça fait plaisir de revenir aux bases. Et Mathis aussi, on peut pas repasser le canular avec la pomme et celui que tu préfères. Oui, on pourrait. On l'a mis il y a pas longtemps avec la pomme. Mais oui, si vous voulez, on mettra un peu plus tard si vous voulez. Sinon, on a celui d'hier aussi. Avec Anthony. C'est pas un canular, mais C'est pas un canular, mais effectivement, il était tout aussi bon. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, je vous le remettrai. Je vous le remettrai tout à l'heure. Hein. Il faudra bien rester là. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, c'était Anthony qu'on avait eu au téléphone. Une grande star, hein, et qui voulait casser avec sa meuf. Oui. Enfin, non, c'était son ex et il voulait lui dire qu'il en avait plus rien à foutre. Oui, parce qu'elle le harcelait. Voilà, parce qu'elle le harcelait. Donc, je vous le remettrai tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Morgane qui veut une dédicace. Eh ben, salut Morgane, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Moi, c'est FDP, l'abréviation que j'utilise le plus souvent. C'est Vincent qui avait envoyé le message. Et avant de faire les teubés de la télé, faisons un petit point du côté des top tweetos. Bien sûr. Comment ça se passe sur les top tweetos là? Écoute, ça se passe bien. Bon, je rappelle qu'on donne un cadeau à celui qui est numéro 1, celui qui a été le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Et pour l'instant, si on arrêtait tout là maintenant comme ça à la minuit 18, qui serait numéro 5? Nadia Le Prince. Numéro 4. Mr Steven. Numéro 3. Virginie 66. Numéro 1. Numéro 2, pardon. Fan de Fun. Et numéro 1. Cédric, très bien. Voilà, donc c'est pour l'instant Cédric qui serait le regagnant. On verra, il reste encore 1h41 minutes là pour balancer tous vos messages avec le hashtag Mickaël et pour évidemment faire changer tout ça. Bon, parlons de teubé de la télé avant de parler sport. Oui. Ah bah Sandro était plus avec le prof de sport qu'au standard. Ah soir. Oui, on a bien vu. Blablabla. Hein. Ça, il y a du muscle dans le studio. Et blablabla. Du muscle. Ça va. En tu speed. Veux, tu veux faire un bras de fer? Mais je le démonte. Il y a bon, mal, j'ai mal au dos. Mais, ah oui, c'est vrai, pardon. Mais je le démonte. Les genoux en plus. Mais rien alors, faire. En plus, je me suis pas mal au dos aussi. Ouais, il a mal partout. Le bon, bref. Donc, par contre, je veux bien assister à un, Je me un bras de fer contre l'auditeur qui est venu. Dans quelques minutes. Ton bras brisé, Tof. Ah oui, c'est ça. Tu sais quoi? Je crois que je peux t'autoriser à utiliser les deux mains. Ah bon, pourquoi? Bah, pour le bras de fer. Ah oui, non, mais non. Donc lui a une main et toi tu mets les deux. Non, je pense qu'avec une main je peux y arriver. Ouais, c'est ça. Bon, parlons des teubés de la télé avec un mariage. Ça coûte cher évidemment, mais celui de Kim et Kanye West, c'était pire. Hein. Parmi les 150 invités, il y avait 5 Français. Ouais. Olivier Rousteing, directeur artistique de Balmain, et Karine Rothfeld, ex Vogue France. Les mariés se sont offerts 2 showcases, Lana Del Rey et Andrea Bocelli. Oui. Le discours de Kanye West a duré 20 minutes et il a fallu débourser 630 000 euros de nuit d'hôtel entre Paris et Florence. Le budget maquillage coiffure pour Kim et ses invités s'élève à 48 000 euros. Ouais. La robe de mariée signée Givenchy est estimée à 360 000 euros. Ah oui. Et Kanye West a offert pas moins de 100 000 euros de fleurs à sa Kim Kardashian. Normal, j'ai envie de dire. Une bagatelle. Mais une bagatelle, hein. Un détail, vraiment pas grand chose quoi. Ouais, bon, et de quelle couleur est la mer Rouge? On a posé la question au grand frère. Bah, bleu, oui. On a posé la question à Pascal le grand frère. Quelle couleur est la mer Rouge? Non, moi je dirais qu'elle n'est pas rouge. Elle est donc? Elle est noire. Oui. Un noir. Donc la mer Rouge est noire. Et la mer Noire, alors elle est quoi? Elle est rouge. Vous saviez quoi? Ouais, en fait, c'est du pétrole. Hein. Oh putain. Ouais, il faut le savoir. Bon, ouais, très bien. Ouais. Et puis si vous avez un peu d'argent et que vous ne savez pas comment le dépenser, j'ai une bonne idée. C'est un inconnu et cet inconnu cache dans la ville, tenez-vous bien, des billets de 100$. Ensuite, il va sur Twitter et il tweet pour dire où les billets sont cachés. Il suffit ensuite d'arriver le premier. Alors, le compte Twitter de cet homme s'appelle Hidden Cash, autrement dit argent caché. Et il s'est exprimé dans la presse, anonymement bien sûr, et il dit « Je peux lâcher plus de 1000 euros par mois, ça n'affectera pas plus que ça mes finances, mais mon objectif, dit-il, c'est d'initier un mouvement autour du don anonyme. » Et visiblement, eh bien, ça marche. Eh ben voilà, et Polo va démarrer directement sur un petit don anonyme. Oui, j'ai 3 pièces de 4 centimes dans ma poche. C'est déjà ça de prix. Je vais mettre ça dans le cul. Voilà, comme si disait ma grand-mère, c'est le début de la fortune. C'est vrai, bah exactement. Tu parles. Bah, c'est vrai. T'es toujours plus riche que celui qui a 0 centime. C'est vrai. C'est donc le début de la fortune. Voilà. Bon, minuit 22 sur Fun Radio. Allez hop, on va se faire dans quelques minutes. Eh bien, un petit peu de musculation. Avant ça, il y a d'abord la colle avec Edgar. T'es là, Edgar? Ouais, je suis là. Bon, allez, répète la colle une dernière fois avant qu'on donne la réponse dans 8 minutes là pour repartir avec la Nintendo 3DS XL. Fais péter. Alors, en chocolat, en bronze ou en argent doré, bonne au goûter, grave à l'église, légère au prêt. Qui suis-je? Bon, on proposait une tablette. Faut répondre oui, merde, hein, maman, hein, non? On vous a proposé quoi? Une tablette. Non, c'est pas ça. Il y a le monde du foot sur le Facebook qui proposait la pièce. Non, c'est pas ça. William qui proposait une médaille. Non. Marc qui proposait la peau. Non. Une religieuse pour Sarah. Non. Un toit de fer pour Céline. Non. Ma femme pour David. Non. Une pêche pour Nathalie. Non, le statut pour Corentin. Non. Bon, c'est pas ça. Bon, tant pis. Si vous avez la bonne réponse, il vous reste même pas 8 minutes maintenant pour vous inscrire. Vous allez sur le Facebook de l'émission, vous tapez Mickaël officiel. Je rappelle la code d'Edgar. En chocolat, en bronze ou en argent doré. Une bonne au goûter, grave à l'église, légère au pré. Qui suis-je? Vous allez sur le Facebook, vous répondez à la colle et vous pouvez aussi envoyer votre message, bien entendu, par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. On tire au sort dans moins de 10 minutes. Et si vous avez la bonne réponse et que vous la donnez à l'antenne, vous gagnez. Dans tous les autres cas, c'est Edgar qui repart avec la Nintendo 3. XL. Bon, et ben, à tout à l'heure, Edgar. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Edgar. Ciao à toi. Et puis, parlons maintenant. Chose sérieuse, je vous rappelle qu'on a commencé le défi avant-hier avec le hashtag. J'ai oublié. Défi 30 jours. Ah oui, défi 30 jours. Je veux pas le retenir. Hein. Bah, que ce soit clair. T'as encore 28 jours. J'ai encore 28 jours. Donc le hashtag défi 30 jours. Donc le principe était simple. Il fallait faire comme si on faisait des pompes. Sauf qu'on se mettait comme dans la position pompe. Sauf qu'à la place d'avoir les deux mains par terre. On avait sur les coudes. Ouais, où on avait les coudes par terre et l'avant-bras par terre. Et il fallait tenir comme ça pendant 30 secondes, deux jours de suite. Ensuite, il fallait monter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, là, on a commencé à 20. Et là, on a commencé à 20. Oui, on a commencé à 20. Aujourd'hui, c'est 30. Ah oui, c'est ça. Pardon, tant pour moi. Exactement. Et il y a Gaëtan qui est avec nous, donc qui est, qui va prendre le micro pour dire bonjour quand même. Hein, il est branché. Ah, la petite lumière marche plus du micro. Très bien. On préviendra au milieu des techniques. Oui. Hein, ça sera remplacé d'ici 2-3 ans. Bienvenue à toi, Gaëtan. Hein. Bah, merci. Bah, de rien. N'hésite pas à parler bien près du micro. Voilà, c'est parfait. N'hésite pas, tu peux me le tirer vers toi si tu veux, il n'y a pas de problème. Ne le casse pas, hein. Parce que l'autre, il va tirer un bon coup, là. Gaëtan, alors t'es quoi? T'es prof de sport ou t'es juste sportif ou t'es quoi? Non, du tout. Je travaille dans une salle de sport. Ouais. Bon, pour pas citer. Non, vas-y, on s'en branle. Fitness Park. D'accord, ok, très bien. Bon, on passera à l'occasion prendre quelques abonnements gratis. Hein. Ouais. C'est quelle marque? Hein, c'est Fitness Park. Fitness Park, voilà, très bien comme ça. Parfait. Et donc du coup, toi, t'es prof de sport et donc tu t'essayes de faire maigrir ou muscler les gens, en tout cas, qui passent te voir. Bah, en fait, c'est surtout perdre des fesses, en fait. Ah, perdre des fesses? Ah, c'est ta spécialité? Non, en fait, c'est les femmes qui viennent me voir. Parle vraiment plus près du micro. Les femmes qui viennent me voir, c'est le mois d'août arrive, il faut que je perde des fesses, que j'ai un cul à la Kim Kardashian. Et, d'accord. Petit message pour ces femmes-là, il faut plus que 3 mois. Voilà, c'est ça. Sandro, tu peux dire petit message à Sandro, parce que dans l'absolu, c'est elle est à côté de toi, celle qui te pose ce genre de questions. Hein, donc c'est mort, hein, pour cet été, c'est mort. Ouais, mais si je peux arriver à mi-chemin. Table déjà sur 2015. Non, mais pour je peux faire l'été. Fesse droite pour cette année, fesse gauche l'année prochaine. C'est une idée, ouais. Et donc du coup, tu les aides, quoi. Enfin, ouais, tout à fait. Si tant est qu'elles n'abandonnent pas après les 2-3 premiers jours, quoi. Bah, le truc, c'est que c'est bien beau de venir en salle, mais il faut avoir la motivation, quoi. Ah, bah voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je rappelle que les salles de sport se font le plus d'oseille sur les gens qui prennent l'abonnement d'un an super motivés et 3 jours après ne viennent plus en disant ouais, mais j'ai quand même été hier. Hein. J'ai été hier. Et puis après, c'est ah putain, j'ai un rendez-vous. On a connu comme ça une meuf hein, qui se s'auto-persuadait. Qu'elle était malade ou qu'elle était pas là, qu'elle mais travaillait mal. On la connaît pas encore. Si on la connaît encore, mais on a eu plusieurs quoi des meufs comme ça. Et donc du coup, quels sont les meilleurs trucs pour perdre du cul alors? Bah, ça va être l'alimentation. Ouais. L'alimentation à 80%, ça va être des viandes blanches, sans graisse, sans sauce. Parce que Sandro, quand elle va à la cantine, elle mange du porc, donc c'est parfait. Ouais, mais c'était une erreur. Je pensais que c'était la viande blanche parce que c'était blanc. Ah, quand on dit qu'elle est débile, c'est qu'on n'invente pas, on n'exagère pas. Je veux dire, vous entendez quand même là, on n'exagère pas quand même. Et avant-hier, t'as mangé quoi, rappelle-nous? Des haricots verts? Non, les croissants le matin. Il y avait le burger aussi. Ouais, il y avait le cheeseburger à la cantine. Ouais, mais c'est du bœuf. Le cheeseburger, c'est du bœuf. Ah, d'accord, alors d'accord, pardon. Non, on peut manger du bœuf. Ouais, tu peux manger du bœuf, mais faut éviter la mayo, le ketchup. Oui, mais bon, c'est pas pour 2-3 gouttes. Non, mais s'il faut vraiment être au taquet pour le mois d'août, ça va être les viandes blanches, beaucoup de légumes, beaucoup de sport, de la motivation, et t'auras déjà un gros résultat déjà. D'accord, ok. Ah bon. Il faut enlever quand même aussi toutes les sucreries. Oui, les bonbons, les machins. Saloperies, l'alcool évité. Ouais, aussi. Ouais, bah ça c'est clair. La charcuterie dehors. C'est mort. Voilà, c'est ça. Enfin bref, tout ce que Sandro ferait quoi. Elle bouffe les bonbons, les chocolats. Le coca dans les chiottes. La charcuterie, etc. Non, ça nettoie bien les chiottes, hein, paraît-il. Hein. Non, mais c'est vrai. Ça débouche. Voilà, ça débouche les chiottes et tout. C'est très pratique. Ça détartre. Bon, et qu'est-ce que tu penses du nouveau truc qu'on a trouvé sur internet là, le défi 30 jours là? Le gainage. Franchement, le gainage, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est ce que font Toff et Polo depuis 2 jours. Hein. Ils se mettent donc, comme je le disais, en mode pompe. sauf que bah ils se tiennent fixement sur les coudes. Ouais. Et ils bougent pas pendant 20 secondes. Et on doit quand même arriver. Et ça évolue, ça monte à 270 secondes. Ouais, c'est ça. C'est voilà, cool. C'est ça. Donc là, et là, apparemment, c'est le concept ventre plat. En un mois, t'as un ventre plat. Je demande à voir. Ouais, mais si tu fais pas, c'est vrai que si tu fais pas la diète, fais-tu pas le régime derrière, ça sert à rien. Même quoi. En un mois, c'est pas possible d'avoir le ventre plat juste avec ça. Enfin, déjà, ouais, c'est ça, c'est déjà l'alimentation. Oui, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que si tu bouffes gras, tu bouffes des sucreries et tu bois du coca, t'arrêtes ça, même sans faire le moindre sport. T'as déjà un ventre plat, enfin, sauf si t'es obèse évidemment, mais si t'as une espèce de petit bidon, ouais. Juste en enlevant ça, pépère. Hein. Oui, c'est ça, c'est l'alimentation, ouais. Ah, ça part direct. Bon, ils vont faire le test dans quelques minutes avec le truc, la gainage, là. Bon, comme t'es un professionnel, tu vas leur donner des petits conseils. Et puisque, n'hésite pas aussi à mettre un petit pied sur le dos de Toff. Et puis, bah, alors, Sandro, c'est le travail d'une vie, hein. On n'aura pas assez de ce soir pour arranger le problème, hein. Ça, je te le dis direct. Bon, on fait ça dans quelques minutes. Il y aura les appels de Toff aussi, dans quelques secondes, les appels malveillants. Et on se fait Katy Perry maintenant sur Fun Radio. C'est Birthday. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, il est minuit 32 d'ailleurs. Si vous avez des bons conseils là pour maigrir ou pour les régimes avant l'été, là, n'hésitez pas à nous appeler. Parce qu'on a Gaëtan qui bosse dans une salle de sport qui est passé nous voir pour le travail d'une vie, hein, pour Sandro. Là, on va en parler donc tout à l'heure. Il y a Raphaël qui dit ils arriveront jamais à 270 secondes. Il y a Nadia qui dit vive les pommes de terre à la crème fraîche avec de la mayonnaise. Miam, vive les grosses fesses. Ah oui, avec ça, effectivement, hein, c'est bon, mais c'est physiquement pas au top, quoi. Hein, non, c'est bon, mais moyen, c'est quoi. Ouais, relativement moyen. Bon, moi, je me souviens toujours d'une réplique dans un film de Louis de Funès, hein, La grande vadrouille. La grande vadrouille. Quoi. Vous aimez bien tout ce qui est bon. Oui, eh bien, c'est très mauvais. Voilà, c'est juste ça, en fait. Tout ce qui est bon à bouffer, il faut pas le bouffer. Parce ouais, que c'est très mauvais. Voilà, grosso modo, c'est ça. Bon, on va en parler donc de sport dans quelques minutes. Avant ça, on fait, on parle un peu de sport aussi, puisque d'après Ipsos, 47% des femmes souhaiteraient faire plus l'amour qu'elles ne le font actuellement. C'est ça. Exactement. Donc on appelle des gens depuis tout à l'heure afin de leur poser la question, de savoir si ça se passe bien chez eux, quoi. En gros, s'ils sont satisfaits. Voilà, si ça baise assez, quoi. Exactement. Donc c'est parti, on y va grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@fanradio.fr. Et continuez d'ailleurs, on est là jusqu'à 2h. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme trouvait que vous lui faites assez l'amour. Non, mais c'est quoi ces conneries, là ? C'est pas une connerie, c'est une question. Non mais j'ai rien à foutre de vos questions, bonne soirée. Bah attendez monsieur, vous avez pas répondu. Je suis pas marié, je suis pas femme, alors. Bah oui, mais vous avez bien quelqu'un dans votre vie monsieur. Et vous? Bah je vois pas le rapport monsieur. Allez, bonne soirée, au revoir. Mais non, vous avez pas répondu monsieur. Oh putain, ils sont relous, attends, on rappelle. Bah oui, là je confirme effectivement, le mec n'a pas répondu, c'est dommage. Allez, on y va. Écoute, va te faire foutre, c'est clair ça pour toi? Bah non monsieur, parce que ça répond pas à la question. Va te faire foutre, dégage. Mais non monsieur, pas du tout. Ah si, visiblement. Hein. Bon, on le rappelle encore un coup quand même. Ouais, une petite. Cousin de Daffy Duck. Oui, c'est vrai qu'il parle un peu avec une voix canard comme ça, c'est bizarre. Il y aura Vichy à suivre aussi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez là? Bah, je voulais savoir si votre femme c'est qui là? Moi je m'appelle Toff monsieur. Mon cul est pas fait, elle s'appelle Toff. Non, elle s'appelle Céline monsieur. Lâche-moi. Je veux plus t'attendre, je veux plus que tu rappelles, lâche-moi, c'est clair. Bah oui, mais répondez à la question monsieur. Sinon, je vais chez les filles directes et je porte place, c'est clair? Oui, pour appel malveillant à caractère pornographique, monsieur, je connais. Mais ça répond pas à ma question. Allô? C'est qui au téléphone? Pardon? C'est qui au téléphone? Toff, monsieur. Non, c'est quelqu'un que je connais, la portée, mais c'est qui? Non, c'est Toff, monsieur, je m'appelle Toff. T'as enculé. Mais non, monsieur, pas du tout. Pourquoi vous voulez que j'aille me faire enculer, monsieur? Ah, quel enculé, celui-là. Mais pas du tout, monsieur. Moi, je vous appelle juste pour vous poser une petite question. Raccrochez là, j'attends l'appel, je peux pas décrocher. Ah bah oui mais du coup. Raccrochez, dépêchez-vous, raccrochez, j'ai un appel. Ben répondez à la question, raccroche, monsieur. Raccroche, connard, va te faire acculer, raccroche. Mais non, répondez à la question, monsieur. Il a raccroché. Va te faire foutre, connard. Hein, voilà, c'est ça. Bon, bah tant pis. On appellera d'autres tout à l'heure dans moins d'une heure. Là, si vous avez encore des numéros, balancez-les sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On se fera un plaisir à nous de les appeler. Hein, vous inquiétez pas. Bon, on va donner la réponse à la colle et puis on fera le sport avec Toff. Là, c'est parti. Avec Toff, avec Polo et puis avec Gaëtan aussi. Edgar, est-ce que tu es là? Et avec Sandro également. Edgar, t'es là? Oui, je suis là. Très bien. Allez, c'est le moment, c'est l'instant. On verra si tu repars avec la Nintendo 3DS XL. On appelle maintenant le gagnant ou la gagnante. Et rassurez-vous, je n'ai pas oublié Eton, hein, qui voulait faire un plan cul avec son ex, là, qui appelle de Suisse. On t'a juste mis un peu sur le côté, parce qu'avec le sport et tout ça, là, c'est un peu tendu, Eton, mais t'inquiète pas, on va te reprendre, là. Allez, Edgar, si la personne qu'on appelle décroche et donne la bonne réponse, elle gagne. Allô ? Allô ? Bonjour, comment tu t'appelles ? Célia. Célia, c'est ça ? Oui. Salut Célia. Dis-moi, et Célia, est-ce que tu as la réponse à la colle d'Edgar, qu'il va bien entendu te répéter avec plaisir maintenant. Alors, en chocolat, en bronze ou en argent doré, bon au goûter, grave à l'église, légère au prêt. Qui suis-je? La cloche. Oui, c'est ça. Et ben voilà. Ouais. Et ben voilà. Félicitations, bravo Célia. Merci beaucoup à toute l'équipe. La Nintendo 3DS XL, eh ben, elle est pour toi, bravo. Oh, merci beaucoup et désolé pour quand je sais plus. Edgar, comment. Edgar, oui, Edgar, ah, écoute, c'est pas grave. Oh, il s'en remettra, t'inquiète pas. Enfin, je pense. N'est-ce pas, Edgar? Ouais, c'est bon. Bon, ça ira. Bon, bah, bon week-end, oh, quand même, vénère. Edgar. Bah oui, tu m'étonnes, ils viennent passer à côté de la 3DS XL. Là, évidemment, perdu, il perdu, c'est bon. C'est normal, mais c'est la vie. Ça arrive. Bon, salut à toi en tout cas, Edgar. Tu reviens quand tu veux. Hein. Est-ce que je pourrais faire une petite bon, bah, vas-y, t'auras gagné au moins ça là. Une seule personne, choisis la bonne. Je fais une dédicace à Timothée Darin qui est en train de m'écouter. Très bien. Eh bah, écoute, y a pas de problème, le message est passé. Salut, Edgar, voilà. À bientôt. Ciao. Salut à toi. Et puis Célia, eh ben écoute, bah tu n'hésites pas, tu reviens quand tu veux. Et puis surtout, tu vas pas bouger, puisqu'on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer la console rapidement, d'accord? D'accord, merci beaucoup à toute l'équipe. Salut. Tous les jours, c'est génial. Oh, c'est gentil. T'as prévenu tes potes au moins que tu passais sur Fun là, tes potes, tes copines? Alors non, personne, parce que je sais pas, ils répondaient pas. Eh ben voilà, bah, il faut les prévenir aussi là, Célia là. Oui, mais bah oui, mais bon alors. Je préviens tout le monde, je leur conseille à bon, tous d'écouter Fun Radio. Bon bah continue alors, c'est bien Célia, je te fais des gros bisous. Gros bisous à vous. Salut aussi. Célia, à bientôt. Salut. Ciao, bye bye. Allez, on va prendre Andrea qui est avec nous maintenant là, Andrea de Nice. Salut Andrea. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, tant mieux. Alors, Andrea, t'avais une question à poser, toi. À Gaëtan, qui est notre coach sportif. Enfin, le coach sportif de Sandro. Enfin, le futur ex. Hein, oui, parce que de toute façon, oui. Elle va venir. Ah, je vais faire ça. Ouais, ben, je vais pas venir. Hein, parce que j'ai trop bouffé, là. De toute façon, ça sert à rien. Je maigris pas. J'arrive pas à maigrir. J'y arrive pas. Donc, je vais bouffer comme une vache. Voilà, et je recommencerai l'autre jour. Et tout ça avec des bonbons dans une main. Et tout ça avec des bonbons, dans la bouche. Dans la bouche, vous et dans une main. Vous êtes mauvaise foi, parce que ça fait 3 semaines que je vais au sport tous les jours. Hein. Ouais, je fais 1 heure de sport par jour, hein, je vous rappelle. Ouais. Depuis 3 semaines non-stop. Oui, non-stop, oui, c'est ça. C'est pas le régime, mais je vais au sport. C'est quel jour qu'elle est arrivée en nous disant qu'elle avait mangé comme une vache toute la journée? Mardi. Ah, mardi. Ou mercredi. Non, c'est plus. Toute la semaine, c'était. Ah, c'était toute la semaine. Bon, voilà, c'est encore mieux. Voilà. Bon, alors, Andrea, est-ce que t'as une question à poser à Gaëtan? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu nous appelles pourquoi? Bah, en fait, c'est pour faire du poids, mais le souci, c'est que j'ai des problèmes aux genoux et au dos. Ouais, donc en réalité, t'es en train de nous dire que tu veux perdre du poids sans faire de sport, quoi. Bah, j'ai envie d'en faire, mais je sais pas quoi muscler, du coup. Tu sais pas quoi muscler? Bah, j'en sais rien, tu peux faire des abdos. Avec le dos, non. Ah oui, merde, t'aurais été plus vieille, j'avais bien une idée, mais... Non, tu peux faire... Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a mal au dos et au genou? La piscine. Ah ouais, c'est vrai, de la piscine, en plus, ça, c'est bon, ça, la piscine. Ouais. Bah si, la piscine. Ah oui, non mais... Ouais, ouais, mais bah j'aime pas. Allez, hop, c'est parti. Allez, hop, à la flotte, il commence à nager, là. Nage! Sinon, tu vas te noyer. Ouais. Bon. Non mais comment te dire qu'avec mes... Bah comment faire? Alors c'est pas compliqué, tu vas dans une piscine, la piscine municipale. Alors, et puis tu vas et puis ça, je te comprends jeune fille, mais c'est une fausse excuse, c'est de des excuses qu'on se trouve. Elle a dit oui mais avec mes kilos en trop, j'ai pas envie de me montrer. On s'en fout. Dans un an les gens ils t'auront oublié hein. Donc vas-y, 10 minutes après. Hein. Ah ouais, mais je t'explique, 10 minutes après, ils t'auront oublié. Mais oui. Non, mais attends, parce que des kilos en trop, moi j'en connais des meufs. Ah j'ai des kilos en trop. Ah bon ça, je comprends pas. Bon, tu pèses combien grosso modo? 68 kilos pour 1m64. Ça va, oui. Ah oui, oulala, c'est beaucoup énorme. De kilos en trop. Non mais attends, t'es pas obèse, faut pas déconner, arrête un peu ton cinéma. Peut-être oh, que. Non mais voilà, t'as quelques kilos en trop éventuellement, mais c'est pas la mer à boire. Tu sais comment? Bon évidemment, alors plus tu vieillis, plus c'est compliqué de les perdre des kilos, faut dire ce qui est. Mais quand j'avais 18 ans, hier. Avant-hier. C'est façon de parler quoi. J'avais simplement. Parce que bon, à l'époque avec Toff, on mangeait comme des cochons aussi. Oh après la radio, on allait bouffer des. Burgers, doux room, frites, enfin bref, tout ça. Et après la radio, coca, machin. Et donc, simplement, je continue à bouffer de la merde, hein, des doux room, des kebabs, des quicks, etc. On sait pas trop ce qu'ils mettent dedans quand même. Hein. Non, mais je veux dire, tout ce que j'ai arrêté, c'est coke, toutes les boissons gazeuses. Je n'ai plus que de l'eau. En 3 mois, j'ai perdu 10 kilos juste avec ça. Bah oui. Aujourd'hui, je peux plus le faire. Hein. J'ai essayé, je me suis dit, ah, j'en ai rien à foutre, j'arrête le coca, je bois que de l'eau. C'est rien passé. Mais bon, voilà, après, c'est, voilà, il faut faire attention. Juste en enlevant toutes les crasses, c'est quand tu veux bouffer un sneaker, tu veux bouffer une glace, des bonbons, tu te dis, non, allez, je fais pas ça. Tu manges normal, même si tu manges, tu peux bouffer des burgers ou quoi une fois de temps en temps, tu peux manger des trucs qui sont pas forcément light, mais il faut juste bouffer avec modération. Et pas bouffer comme une grosse vache à t'en piffrer jusqu'à ce que tu sois repu. Il faut voilà. En fait, ouais. Idéalement, je pense, c'est qu'il faut manger et t'arrêter quand tu sens que t'as trop mangé, même si t'as encore faim. Ouais, c'est ça. Oui, putain, je devrais être coach sportif. Internet. Ah bah j'en ai rien à foutre, demain je serai coach sportif. Allez Sandro, allez hop. Allez, cours. Mais c'est ça, cours. C'est un coach comme ça qui me dise pas salope. Hein. Ah bon. Chienne, cours. Allez la vache qui rit. Je crois qu'on me colle au cul tout le temps. Parce que d'ailleurs, je crois qu'il a son fouet, hein, si tu veux, Mickaël. Ah bah bien sûr, hein, si tu veux, ouais, si tu veux, moi je te le mets, hein, pas de problème, hein, si c'est pour courir. Hein. Allez, cours. Hop, et il va te faire courir autour de la radio. Exactement. En plus, ouais, on a un bon pâté de maison. Ah ben, un gros pâté de maison, hein, ça je confirme, hein, voilà. Mais Mickaël. Oui. J'ai vu sur internet que si on mangeait pas de féculents le soir, ça faisait maigrir, quoi. Oui, c'est vrai, après, mais ça c'est... Mais c'est un tout. Mais oui, c'est un tout, mais je... privé. Mais ouais, voilà, il faut pas se priver. Ça sert à rien comme les régimes du con et tout ce bordel là. Mais non, mais je fais pas ça. Moi, non, je dis pas que tu le fais. Je parle à tous ceux qui le font, tu vois. Ou tu te surprives mais pendant un mois, deux mois, et puis après, je prends un autre exemple. Je sais que je fais comme Polo où j'ai plein d'idées en même temps et que je termine pas mes phrases. C'est le génie. C'est toujours les génies. C'est sérieux. Et donc t'es des hyperactifs. Des génies. Des mecs comme Polo qui par exemple ont décidé de faire la diète. C'est une diète. C'est pas un régime. Et qui du jour au lendemain se prive de tout. Je me prive pas. Et ils te font même pas un petit écart en disant bon allez aujourd'hui je prends un sneakers ou je mange un quick, enfin n'importe quoi, tu vois. Non, c'est fini, terminé. Et après une fois qu'il a terminé sa diète ou une fois qu'il se dit bon bah c'est bon, du coup il remange normalement sans s'empiffrer, hein, et du coup ils grossissent. Mais quand j'aurai les abdos et je serai sexy, on en reparlera. Mais tu es déjà beau gosse, Polo. Merci, Toff. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Mais voilà, donc moralité, tout ça pour te dire que ça part moins vite. Mais de toute façon, il faut pas perdre trop de kilos. Parce que si tu les perds au début, tu vas perdre du muscle et pas le gras. Et puis ton corps va se dire, putain, j'ai plus le gras pendant des mois. Dès que je prends un petit morceau de gras, je le garde. Ouais. Mais je peux poser une question au coach? Non. Non, si, vas-y, je plaisante. Vas-y. Non. D'accord. En fait, je voudrais perdre des kilos aux fesses, en fait, parce que le truc, c'est que je trouve mes fesses par rapport à mon corps, c'est un peu trop mal proportionné. Oui, je sais de quoi tu parles. Parce que Toff, en fait, il a pas un gros cul, mais par contre, il a, en fait, on dirait une bouteille de Perrier. Oui, mais c'est ça, parce que en fait, c'est moi, vrai, j'ai jusque au-dessus du cul, ça va, et après, c'est n'importe quoi. Et après, c'est boum. Ouais, et c'est surtout vrai, hein. Le plus grave dans le corps d'Toff, c'est quelqu'un lui a volé ses épaules. Oui, c'est vrai. On ne voit pas où est, voilà. Mais c'est vrai aussi, il est mince. En fait, c'est Orangina plutôt. Mais c'est vrai qu'les jambes sont minces. Les jambes sont minces. Mais pas de cul, y a rien. Mais c'est là, c'est. Tu musclais jusqu'au-dessus de la bite, quoi. Après, c'est mort. Non, jusqu'en dessous, t'emballes pas. T'allais dire quoi, Andrea? Mais moi, le souci, c'est que moi, en fait, au niveau de la poitrine, je suis en 95B. Mais après, le ventre, il est, voilà quoi, il est un peu, voilà, il y a un peu. Oui, mais attends, Andrea. Et après. Au cul, je me souviens, il y a des pantalons taille 42 tellement qu'il est gros, quoi. Andrea, je t'interromps encore une fois, hein, tu vas me dire, il est relou celui-là, il m'interrompt tout le temps, mais tu as, t'as quel âge là? T'as 15 ans, c'est-à-dire que tout va changer encore, hein. Ah bon? Ah, tout va changer. Ah bah oui. Non, mais attends. Mais je croyais que c'était fini. Mais non. Rien n'est fini. Regarde, j'ai toujours fait. Enfin, j'ai pas fait yo-yo volontairement, hein, quand j'étais petit. Hein. Mais c'est-à-dire que d'une année à l'autre, j'étais gros, puis j'étais hyper maigre, puis j'étais moyen, puis j'étais regros, etc. Et puis à un moment, effectivement, vers 13, 14, j'étais pas gros, mais j'étais rond, on va dire. Et puis tout d'un coup, j'ai grandi d'un coup et je me suis aminci. Bon, après, j'ai regrossi, mais enfin, c'est une histoire. De quoi? C'est pour ça que je veux pas faire de régime. Bah, mais voilà, mais tu dois pas spécialement faire de régime et tu dois éviter de manger des merdes. Bah oui. Voilà. Ouais. Le corps n'est pas fait pour ça. Et sinon, je peux demander, est-ce que je peux me faire douce? Non. Non. Bah non, t'as 15 ans là. Bah oui, mais c'est en dessous de 15 ans. C'est trop tard. C'est la limite, en gros. C'est 14 ans et 364 jours. Mais s'il vous plaît. Non, ça on peut mendier comme on veut, c'est pas possible. Ça, alors là, il y a des règles. Dans la douceur, il y a des règles. Exactement, il faut un passeport, un visa, tout le bordel, et on peut pas accepter n'importe qui, malheureusement. C'est-à-dire que t'as dépassé l'âge. Si vous êtes une fille entre 18 et 30 ans et que vous êtes une bombe, je peux faire une. Il y a une dérogation qui peut être admise par la commission. Ça, ouais. Assistante, assistante. Que je préside. Assistante douce, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, après, parce qu'on n'a pas laissé beaucoup parler Gaëtan, parce que je me suis pris pour un coach sportif à un moment, mais avec mon dos en, tu sais, de vieillard, mais bon. Donc, est-ce que j'avais raison? Eh ben, merci Gaëtan. Bah voilà, écoute, merci André. Non, franchement. Ouais. Bah attends une seconde, Andrea, Gaëtan, il allait me jeter des fleurs là. Comment tu sais? Bah je sais pas, t'as dit. Bah franchement. Non, franchement, ouais, t'as donné de bons conseils. Putain, quel talent. Magnifique. Cherche normal, pas pour la journée, nickel, sportif, c'est normal. Là, que je vienne un peu à la salle là pour dire écoute-moi bien, espèce de bouffon là, tu vas continuer avec ton rameur là, et accélère un petit peu là. Non, mais... par contre, pour Andrea, le seul conseil que je peux te donner, c'est t'as 15 ans, ta croissance elle est encore en train d'évoluer. Juste fais attention à ce que tu manges, tu peux aller courir allez, 3 fois par semaine. Et tu verras que le changement... Mais je peux pas avec mon dos parce que j'ai comme une sciatique en fait. Eh ben reste comme ça, de nous casser les yeux. Mais non. non mais ce que tu fais c'est t'évites. Ou alors tu vois, ce qu'on peut faire également pour faire courir Sandro, c'est que tu te mets sur son dos avec une canne à pêche. Avec un rôti. Et un donut devant. Avec un donut devant. Et elle va courir hein. Non mais c'est vrai. Ah bah si elle fait du 42 en plus je vais bien maigrir. Ah bah voilà c'est ça. Hein, c'est bien ça. Mais ouais. Comme un âne. Comme un âne avec une carotte, oh là, vous mettez pas une carotte pour Sandro parce qu'il ne va pas avancer. Hein. Donc il te reste que la natation. Voilà, natation, tout ce qui te reste, hein, André. Michael, hein. Ouais. Tu peux me passer une musique, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux? Non, quoi. Moi je dis non. Attends, mais je sais déjà ce que tu vas demander, donc je prépare déjà non, à dire non. C'est vas-y. Pas ah, c'est alléluia. C'est qui? Ah ouais, d'accord. C'est qui? Costi Dirty Beach, la chanson. Costi avec Dirty Beach? C'est quoi le nom, tu m'as dit? Dirty Beach. Non, j'ai compris, mais le titre plutôt alors. Il s'appelle Costi, le chanteur. Costi ? Ah, ça s'écrit comment ? C-O-S-T-I ? Eh, c'est pas ton truc d'Albanie, là, ou je sais pas quoi, là. C'est pas encore un truc bizarre. Parce que la dernière fois, non, de toute façon, j'ai pas... Mais je l'ai pas, là. Mais c'est électro et tout, quoi. Non, mais je veux bien le croire, mais je l'ai pas dans la machine. On a tous les sons qui sont dans l'ordinateur, mais là, Costi, y a pas. Mais même YouTube, il a pas. Hein, ah, même YouTube, y a pas. Écoute, envoie-moi le MP3, Andrea, que j'écoute pour voir. Bah Costi, t'écris comment Costi? C-O-S-T-I. Bah ouais, donc et Dirty Beach, y a pas. Eh bah comme Dirty et comme Beach. Bon écoute, envoie-le moi Andrea, comme ça j'écouterai et puis je verrai si c'était bien écrit, éventuellement il y a peut-être une faute d'orthographe, je sais pas. D'accord? Bah tu l'envoies maintenant ouais. Ah si mais d'accord, c'est pas Dirty Beach, c'est DB. Ah c'est DB. Oui. Voilà. Oui. C'est quoi le son? Attends. Ah d'accord, ok, on bah, est sur YouTube. Hein. Ah bah oui, c'est ça, festival de la pub. Ouais. Attends, on va écouter. Bon de toute façon je pourrais pas te le mettre ce soir parce que le son de YouTube est pas terrible. Ah oui, ça c'est électro, ça change de l'autre Andreva, machin chouette là. Un peu plus loin là pour voir hein. Close it, there's no gold or diamonds waiting for you. Believe me, and everything that goes up will come. Il ressemble à Pitbull le mec. Ah ouais. Only a matter of time. Et par contre il s'est bien entouré pour son clip hein. Ah oui bah ça toujours hein, ce genre de mec hein. Oh là là. Bon écoute je vais regarder parce que le son là sur YouTube il est pas terrible. Mais je vais regarder chez Pascal le programmateur pour voir le si grand frère. Pour voir s'il a ça. Pascal le grand frère ouais. Pour voir s'il a ça je te le passerai du coup Andrea. D'accord si on l'a en tout cas évidemment. Ok merci. Salut Andrea, gros bisous, ciao à toi, à bientôt. Merci. Salut, ciao à toi Andrea. Bon, dans quelques minutes, on va se faire les pompes. Alors, qu'est-ce que t'as prévu du coup Gaëtan comme programme là pour les deux gros? Gainage, pompe, abdo. Ah ouais. Oh ça putain va. Mec. Mais mec, il y a un moment le c'est normal. Le pire truc du monde. De quoi les bah non, ah, bah, les trois. Ah, bah gainage de toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé hein, c'est par rapport au programme. Ouais. Après le reste pompe et abdo là, je pense que ça va, vous êtes des tueurs, vous allez y arriver, non? Bien sûr. Bah oui, bien évidemment. Sûr, on est des warriors. Bon, on fait ça dans quelques minutes. Il y aura Manu qui voulait parler du régime également. Yeton, promis, t'inquiète, on va te reprendre. Comme promis, il est minuit 49. Continue avec vos messages encore, hein, qui arrivent sur le Facebook et le Twitter avec le hashtag et Mickaël. On écoute Avicii au cœur de la nuit sans pub. C'est Lay Me Down sur Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, minuit 54, il y a Valou qui dit, suite à des problèmes de genoux, je pouvais plus faire de sport. J'ai fait de la piscine, j'ai perdu plus de 20 kilos sans régime à côté. Bah oui. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Il y a un moment faut y aller quoi. C'est ça. Bah, il y a un moment faut pas se faire chier. Gaëtan qui est avec nous, hein, qui est un auditeur à la base et qui nous avait appelé la semaine dernière. Quoi. Ouais, je pense que... Voilà, c'est ça à peu près. Approche-toi vraiment bien du micro. Non. Ou lève-le un petit peu plus là comme. Oui. Oui, je sais, mais tu dois pas. N'hésite pas, n'aie pas peur. Et donc du coup, bah, il était venu pour donner quelques petits conseils à Sandro. Enfin, c'est plus des conseils à ce niveau-là, mais bon. Il y a Florian qui dit salut Mickaël, je suis au boulot et je suis avec un avec mon pote Seb et je viens de lui faire découvrir votre émission. Un petit message de bienvenue pour lui, avec plaisir. Va te faire enculer, ben c'est mort, il va te faire enculer. Voilà. Il y a Club Med qui dit acheter des épaulettes pour Toff, il aura des épaules qu'il devrait avoir. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est pas mal, je vais y penser. Avec des épaulettes, c'est pas mal. Tu sais, je vais aller voir celle qui s'accroche dans tous les vêtements. Ouais. Comme ça, je peux les mettre avec chaque t-shirt. Qu'est-ce qu'il peut faire pour relever les épaules? Il n'y a rien à faire, là, Gaëtan là. Pour les épaules bah, ouais. Déjà, s'il fait des pompes, ouais. Ah, des pompes à... Ouais, des pompes. Il va commencer à... Il va commencer à prendre des pecs, oh, des c'est ça, en fait, qu'on voudrait lui muscler, là. Les trapèzes. Ouais, trapèzes, ouais, c'est ça, ouais. Oh. Il faut faire, il peut pas avec les pompes seulement. Non, il faut qu'il prenne. Faut qu'il arrête. Non, il faut qu'il soit refait. Non, non, mais je veux dire, faut dire à ses parents. Faut on va faire... lui mettre des prothèses. Ouais, il faut tout refaire. Je vais aller à l'entretien. Voilà, faut tout refaire là. Il y a un moment, faut tout refaire. Enfin bon. Bon, tu voulais leur faire des quelques petits exercices là. Bah, apparemment, ils sont sur le gainage. On va commencer par du gainage. Commençons par le gainage. Voilà, c'est ça. Ouais. Oh là, mais quelle horreur. Et puis on aura Manu juste après. Là, Manu qui est avec nous là de Bourg-en-Bresse. Salut à toi, Manu. Comment tu vas? Salut Mickaël. T'es en forme? Ça va. Bah tranquille, bah tu fais quoi de la vie? Moi je suis routier. Ah t'es routier, d'accord, ok. T'es sur la route là ou t'es à l'arrêt? Ah là, je suis arrêté sur le côté, mais après j'allais livrer les magasins. Ah d'accord, ok, très bien. Bon attends Manu, deux secondes, reste avec nous. Toi tu voulais parler régime aussi, bah reste là deux secondes. On va d'abord évidemment partir sur notre ami Toff et Polo qui vont donc tenter de faire le gainage. Alors le gainage c'est ce qu'on fait depuis deux jours hein, donc comme je le disais, mode en position de pompe. Sauf qu'en fait on n'a pas les mains sur le sol, on a les coudes et les avant-bras. Et il faut rester en mode plat, en mode planche pendant 20 secondes et depuis donc on a fait 20 secondes deux jours de suite et là maintenant c'est 30 secondes qu'il va falloir faire jusqu'à dans un mois tenir à 270 secondes ce qui est beau, ce qui serait beau. Ouais, franchement. T'arrives à le faire toi ou pas? Non. T'arrives pas, mais parce non. que tu sais pas ou parce que t'en branles ou... Non, parce que c'est pas un délire. Ouais. C'est pas un délire, d'accord, ouais. Ok, très bien. Bah écoute, eux vont essayer hein, de toute façon et bah c'est parti. Alors gainage là, attention, on y va, 30 secondes à tenir là. Alors attention. Gaëtan, va pas voir parce que j'ai pas confiance. Ils vont faire de la merde. Dis-leur comment il faut faire. Hein. N'hésite pas à gueuler dessus comme c'était des chiens. Hein. Tu peux leur parler mal et tout. T'hésites pas. Hein. Comme si c'était des clébards. Là. N'hésite pas. Bon, ça y est. Ouais. Très bien. Alors attention. Là, pour l'instant, ils se sont mis. On mettra la vidéo hein, sur le YouTube, le Facebook et le Twitter. Ils se sont mis à plat. Attention. Vous êtes prêts? 30 secondes. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, go! Alors attention, ça y est, c'est fait, hein, on leur mettra... Ça va là Gaëtan, là, parle plus fort, on t'entend mal? Ça va, ouais, non, ça va. C'est bon là, ils font bien? Toff il est au taquet. Bon bah très bien, parfait comme ça pour ceux qui n'ont pas entendu. On est à 10 secondes là pour l'instant hein, seulement. Hein. Oh, 10 secondes, 15 secondes. Oh là là. Ah il est toujours en mode gainage là, ils sont en mode pompe mais que avec les genoux et les avant-bras et en mode planche là. On vient de passer les 15 secondes là. Mytho! Ah non merde, les 25 secondes, pardon. Attention, stop! Et voilà, les 30 secondes sont passées. On enchaîne avec les abdos là maintenant. Allez, les abdos avec Gaëtan là qui va montrer comment il faut faire de bons abdos. Attention, alors pour faire de bons abdos, que faut-il faire Gaëtan? N'hésite pas à prendre un petit micro. Toff, attends, ouais, attends, il y a Sandro qui va. Voilà. Que faut-il faire pour faire de bons abdos? Apparemment, en fait, tu prends. Gaëtan, toi, tu commences, Polo. Gaëtan, ouais, que faut-il faire pour faire de bons abdos? Ou que faut-il ne pas faire plutôt? Ne pas faire? Ouais. Tirer sur la tête. Tirer sur la... Ah ouais. Oui, tiens, quand okay. Les gens, ils ont tendance à mettre des mains derrière la tête. Et Toff qui est en mode levrette, là. On voit son calbute à Abercrombie, là. Le truc qui lui va pas d'une douille. Oh là là là là là là là là là là là là. T'as vu Sandra ou pas le mode levrette? Non, mais bon, ses fesses en plus, non? Ouais, c'est ça. Hein. Bon, allez. Bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Bon, parfait, très bien. Sandro, prends le micro et regarde un petit peu comment ça se passe là. C'est Polo qui commence? Ouais. Très bien, parfait. Allez hop, on y va. Tu peux prendre ce micro là si tu veux, Sandro, comme ça tu verras quelque chose. Voilà. Allez, donc Polo démarre. C'est parti? Ouais. Oh, il est déjà à 10 là déjà. Ah, il est déjà à 10? Ouais, mais 10, 10 vrais abdos ou des abdos en bois? Bon, allez, 5, allez. Ah, d'accord, ok, très bien. Alors, il y en a. Parce que là, j'arrive pas très bien à voir. J'ai pas compté moi. Ah, bah si, je suis bon, j'ai qu'à me retourner, je vois là. Il redescend pas assez là. Gaëtan. C'est vrai qu'il redescend pas beaucoup d'accord. Là Gaëtan là. Exactement. Faut qu'il reste en tension. Ah bon? Ah il faut mais rester en tension. Alors je vous explique. Donc là il y a Toff qui se met en mode levrette qui lui tient les pieds. Et du coup Polo ça qui y est devant. Polo est mort. En fait Toff descendrait un petit peu, ouais, qui pourrait sucer Polo là. C'est vrai, hein. Mais j'essayais de lui faire des petits bisous, mais il était pas réceptif. Bah ouais, d'accord. Ah, voilà. Parce que Gaëtan. Ouais. Gaëtan, moi on m'a toujours dit qu'en fait il fallait pour que ce soit de bons abdos entre guillemets, ne pas se faire tenir les pieds, mais il est forcé à rester au sol. Tu vois bah ce que je veux dire? En fait, le truc c'est qu'on est sur du parquet là. Ah oui, d'accord, ok. Donc du coup, quand t'es sur un sol dur, il vaut mieux le faire comme ça alors. D'accord. Oh putain, Etoff qui n'arrive même pas à monter une fois là. Eh papy. Voilà. Eh hey, papy, Polo il en a fait 30. Ouais, quand même pas mal. Pour une première c'est pas mal. Parce que peut-être que je dois mal les faire à mon avis, Gaëtan, tu me diras, mais moi quand je les fais, j'ai plus mal au dos qu'aux abdos. Hein. Là j'espère qu'il va pas avoir mal au cul. Hein. Mais il a toujours mal au cul, t'inquiète pas, donc tu sais, une fois de plus ou une fois de moins. Salope. Voilà, c'est ça. Allez. On mettra la vidéo sur le Facebook et le YouTube, et comme ça vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Et par contre, si t'as mal au dos, ça veut dire que t'es mal positionné. Ouais. Bah il y a des fortes chances, mais ça je m'y attendais un petit peu, effectivement. Bon, alors attends. En tension sur les abdos en fait. Tension sur les abdos. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut pas complètement descendre. Pas complètement descendre. Putain, et Toff, on dirait un. C'est parce qu'en fait, il descend, mais tu sais, en vague. C'est-à-dire que en fait. Il fait du hip-hop. Ouais, c'est ça, il fait du hip-hop là. Wesh, wesh, en place ma gueule ou quoi là. Tranquille. Il est sur un cheval. Ouais, exactement. En fait, c'est ça, il se déhanche un peu, tu vois, il est pas droit. C'est-à-dire que même dans l'abdo, il a pas la classe. C'est un truc de ouf. J'ai pas compris. Vas-y, essaye toi au lieu de rater. Allez, Sandro, non, vas-y. Sandro. Allez. Sandro, c'est un ordre. Allez, viens. Allez, vas-y là, Sandro. Voilà, là, t'as voulu rigoler. Allez, hop, c'est parti. Vas-y, tu te mets, on y va. Comment ça sur le côté? Attends, parle dans le micro, Gaëtan. Gaëtan, ouais, dans le micro, faire, toujours. Tu veux faire les obliques? Fais des abdos de filles. Y'a pas d'abdos de filles, c'est les mêmes pour tout le monde. Voilà, tu fais des abdos, point barre, c'est tout. Non, mais je rêve. Bon, allez, c'est parti, elle se met... Et comme par hasard, c'est Gaëtan qui tue les pieds, hein, étonnant quand même. Hein. Bon, allez, c'est parti. C'est bon, là? Ouais, c'est parti. Allez, go, Sandro. Il reste en tension. Un. On sent pas. Voilà. On reste en tension. Et on voit le petit bidon, là. Du coup, elle le flanque. Ça va, Sandro? Allez, plus vite. Allez, plus vite. Plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et tire vite, pas sur ta tête. Stop. Pose pas. Et on tire pas sur la nuque. Qu'est-ce qu'elle a mal fait du coup Gaëtan? On continue, j'ai pas fait. Elle a rien fait de bien en fait. Gaëtan, qu'est-ce elle qu'elle fait de que de la merde. Qu'est-ce qu'elle fait de bien ou mal? On s'en fout, vas-y, fais. Ça fait plus de 30 là. Oh ouais, facile. Bon, ça fait combien Gaëtan là? Ah, doit être à 30 40. 2850. D'accord. Ah oui, 2852, 2853, 2854. 2855, c'est terminé, c'est parfait. Ouais, eh ben voilà. Elle vous a mis votre mère, Polo et Toff, là. 2855 abdos pour Sandro, là. Pff, c'est beau, hein. Alors vraiment, Franchement, je pouvais continuer encore. Ouais, j'en doute pas, non, vraiment top classe, hein. Alors là, putain, je suis, moi-même épaté. Moi-même surpris, moi-même, Non, vraiment, un truc de ouf. Bon, et on va terminer avec les pompes maintenant, avant de se faire une petite pause avec le son d'Armin Van Buren, ce sera le son de ping-pong. Bon, alors, du coup, comment ça se passe là maintenant là? Comment faire pour faire de bonnes pompes, du coup, maintenant, Gaëtan? Bah, faut déjà être droit, bien placé, ne pas avoir les genoux par terre, on va éviter de faire des pompes belges. Comment ça, des pompes belges? Il est belge. Hein, il veut que je mette une patate. Bon, moi je suis encore à moitié, moi, belgo-portugais, mais lui là, Toff, ça. Hein, lui il est 100% belge. Lui, il est polo. Ah, moi j'ai fait de la pompe belge, monsieur. Voilà, Toff il se met à quatre pattes et il descend et il remonte. Voilà. Elle est pompe belge. Il est con celui-là, il va sortir. Là. Hein? Non, mais attends, on va faire des pompes belges. Chaud. Ouais, c'est ça, pendant qu'on est chaud là. Bon, alors comment faire des bonnes pompes? Donc pas les genoux par terre. Pas les genoux par terre, droit. Et puis on va te faire des séries de 10. Des séries de 10? Faut déjà faire des séries de 2, hein. Bon. Le bras long du corps, travailler le triceps. Est-ce qu'il faut écarter les bras ou pas? Pas forcément, après il y a différents exercices. D'accord. Soit les bras écartés pour tu peux travailler les pecs, après le bras long du corps, tu peux travailler plus les triceps. Après ce qu'on appelle le petit triangle où t'es vraiment. Collé, t'as les mains collées et tu viens travailler l'intérieur des pecs en fait. D'accord. Et est-ce qu'on ferait pas plutôt un truc avec la main derrière le dos et juste sur un seul bras? Ah, pourquoi pas. Ça, ce serait bien ça. Sur le nez. Ouais, sur le nez, ouais, t'as qu'à faire des pompes sur le nez, ça c'est pas. Non, sur un doigt, comme José Garcia dans le boulet. Le truc qui peut être sympa, c'est de faire ça au son de ma voix. Au son de ta voix. Ouais. Bah écoute, vas-y, on te laisse faire. Alors pour vous, hey, vous êtes chez vous là, mettez-vous en mode, vous mettez la radio un peu plus fort, mettez-vous en mode pompe là. Allez hop, c'est parti là, je vous laisse quelques secondes. Vous vous mettez en mode pompe et puis bah c'est Gaëtan, le prof de sport qui est avec nous, qui va nous faire les pompes là, c'est parti. Alors attention, on y va. Par contre, au son de ta voix, va falloir le micro tout près Gaëtan là, ou alors il va falloir que tu cries bien fort, hein, sinon on va mal t'entendre. Voilà. C'est bon là ? Alors attention. Sandro qui fait la perche maintenant donc avec le micro. En bas. Allez hop, 1, 2. Polo il est resté par terre. Ah, Polo qui est descendu et bah, il est descendu en fait, il est pas remonté. Il arrive plus à remonter Polo dit, là. Il a dit mon coude il veut pas monter. Voilà, et donc heureusement qu'ils sont droits, hein. C'est-à-dire que Polo lui il descend puis après il remonte et Toff lui il remonte complètement, on dirait une pyramide. Donc je peux vous dire que c'est pas terrible hein. Oh là là là là là là, il y arrive pas. Alors que Gaëtan évidemment. Alors que Gaëtan lui il en fait des. Il monte, il descend super vite. Bon Toff lui il embrasse le sol lui hein. En fait il revient. Juste pour vous donner une idée, hein, Toff fait la même chose que pour les abdos. En fait, il y a l'avant qui monte et puis il y a le l'arrière qui monte mais plus tard, tu vois. Il monte en vague. Bon, je pense qu'on va s'arrêter, ils vont faire un AVC. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il vaut mieux les arrêter là parce qu'on va perdre des gens là. Je pense qu'on va perdre des gens là. Bon, une note sur 10, sachant que les notes négatives sont autorisées, Gaëtan, là, pour Toff et pour Polo. On t'entend mal, c'est moi qui fais de la merde. Oh mais quelle horreur. Combien ? 4. Ah 4 quand même. C'est bien. Ah franchement, pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur nom sur leur t-shirt, c'est ça? Ah mais quelle horreur. C'est non, ça. On va dire non, ça va. Ça va. Pour un début, on va dire. Ouais. Bon, en moralité, il reste encore du sport à faire. Hein. Tout à fait. Reste du sport. Mais putain, tu m'as déçu Polo là pour les pompes là. Je pensais que t'allais. Mais non, mais en fait, mon coude il me tient pas. Non mais sérieusement. Ton coude te tient pas. Je sais pas ce qu'il a. On t'a déjà donné cette excuse là ou jamais? Non, c'est pas une excuse. On m'a dit ouais, j'ai mal au pec. Ah, non, c'est en fait le coude, si vous un moment j'arrive comme ça, il me tient pas en fait. Ah, il tient pas, d'accord, ok. Bon bah écoute, pourquoi pas. Hein. Comment tu fais pour tenir un verre? Mais c'est pas si lourd, c'est moins lourd je crois. Non mais attends, c'est moi. Ah, et puis là il est fatigué, oh là là. Il y a Jacques qui dit, Sandro j'ai besoin qu'on me colle au cul. Oui c'est ce qu'elle a dit, hein. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Il y a Mister Steven qui dit, c'est bon Mickaël, t'as trouvé ta future reconversion, coach sportif. Bah écoute, why not. Gabriel aussi, Mickaël c'est le meilleur, bah merci Gab. Et Pierre B aussi qui dit, salut je viens de découvrir l'émission et j'aimerais avoir un message de bienvenue. Écoute, ma foi, pourquoi pas. En plus, on en a plein de nouveaux, des messages de bienvenue. Là. Attends, je vais t'en mettre un petit. Attention, ils sont un peu violents. Hein. On va t'enculer. Et si moi, je te tombe dessus, tu risques de finir dépecé. Tu vois ce que ça veut dire, dépecé? Voilà, oui, je pense qu'on voit tous bien ce que ça veut dire, dépecé. Bon, Manu, qui voulait avoir un petit conseil aussi par Gaëtan, là, au niveau du régime, qu'on va prendre dans quelques minutes. Yeton, désolé, mais ne bouge pas. On va te reprendre dans un instant, promis. Et puis, on va s'écouter maintenant. Bah, là aussi, je vous l'avais promis, le son de Gillo sur Fun Radio. Jennifer Lopez avec First Love. Il est 1h07. Bienvenue tout le monde. C'est Mickaël No Limite. On est en direct sur Fun Radio. Et on est là jusqu'à 2h du mat. C'est la nuit sans pub d'ailleurs. Merci d'ailleurs pour tous les messages que vous envoyez tout au long de la soirée avec le hashtag et Mickaël sur le Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et merci beaucoup. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limite, de 23h à 2h sur Fun Radio. 1h11 sur Fun, et Raphaël aussi qui dit Polo et son coude, mort de rire. Et Nadia qui dit mort de rire, genre vous allez faire du sport là, je rigole. Oui, bon, enfin ça a duré 3 secondes, là, vous inquiétez pas. Megumi qui dit pour le film X avec DSK, Toff on avait parlé tout à l'heure, il s'appelle DXK, coup de foutre à Manhattan. C'est bon ça, putain Toff, bon. Tu l'as pas encore vu celui-là? Non, ça m'étonne que je l'ai pas vu. Tu vas aller télécharger. Évidemment, je le télécharge dès que je rentre. Voilà, coup de foutre à Manhattan. D'ailleurs, je regarde immédiatement s'il est disponible. Coup de foutre à Manhattan, c'est bon ça. Et Karim qui dit un message de bienvenue dédicace à Shamakafoui, please. Bah, bien sûr Karim, un petit message de bienvenue avec grand plaisir. En plus, comme je le disais tout à l'heure, grâce aux appels de Toff de 23h30, on en a des petits nouveaux là, dont celui-là qui est d'une violence. Ouais, écoute-moi, petit merdeux, tu sais quoi? Tu vas aller te faire enculer, ta mère elle va te faire enculer, tu vas aller te faire enculer, et tu nous casses pas les couilles, ok? Voilà, tout simplement. Bon, allez, on va terminer avec le régime et avec Manu qui est avec nous maintenant, qui avait une petite question à poser aussi à Gaëtan, le prof de sport qui est passé nous voir ce soir là. Salut Manu. Bon, ouais, alors... C'est pas une question que j'ai, mais je sais pas, Gaëtan va être d'accord avec moi, parce que mon prof de sport quand j'étais au lycée l'année dernière. Attends, est-ce que t'as le kit main libre ou le haut-parleur? Non, je roule. Ah, tu roules? Oui, donc c'est pas ma question. Est-ce que tu as le kit main libre ou le haut-parleur? Non, pas du tout. Non, ah bah alors c'est bizarre parce que le son est quand même relativement merdique. Bon, c'est pas grave. Tu disais ? Oui, je disais, Gaëtan va être d'accord avec moi. Mon prof de sport l'année dernière, il me disait de boire deux verres d'eau avant de manger. De boire deux verres d'eau avant de manger ? Ouais. Je sais pas. Bah si t'as soif, ouais. Non mais c'est pas, ça réduit l'appétit. Et moi j'ai essayé, c'est ouais, ça blinde un peu l'estomac un peu. Ouais, ouais. Par contre, pour ça ouais, mais je te mets au défi d'avoir vraiment la faim avec l'estomac qui grogne et de boire deux verres d'eau. Tu vas avoir mal au bide total. Ouais. Et après perdre le poids c'est déjà un truc, mais après le mieux c'est de rester avec un poids stable. Oui, ouais. Ça c'est sûr. Et ça c'est plus dur. La perte de poids, enfin, je vais être clair, la perte de poids, c'est pas de se restreindre ou d'être frustré, c'est de faire une perte de poids en régulant son alimentation, en mangeant correctement et, on va dire, à un niveau diététique correct, et tu peux te faire plaisir le week-end. C'est ça, moralité, voilà. Si tu vas bouffer au Quick, eh ben, à la place de bouffer un menu plus un burger, tu prends que le menu. Ouais, non, j'ai pas dit Quick. Oui. Ou alors, tu vas bouffer ton Giant Frites, mais... sans les frites. Tu prends de l'eau ou du Coca Light. Ou sinon, tu vas pas manger Quick, quoi. Ouais, mais bon, je veux dire, non, mais quand le même... Le week-end, tu peux t'autoriser, je sais pas, tu vas manger chez tes parents, un barbecue. Si la semaine, t'as pas fait d'écart, tu peux t'autoriser aller une canette de Coca 33 centilitres, une viande rouge, et après, tu vas à la salle de sport le lundi. Voilà, et toute la semaine tu fais ton régime quotidien en mangeant correctement. Mais quand ils faisaient les hommes préhistoriques là, tu les vois, ils sont tous minces, hein, les hommes préhistoriques. Ils se faisaient courser par des dinosaures. Ouais, et puis ils avaient pas de voiture, ils prenaient pas le métro. Des dinosaures, c'est pas possible. Mais non, mais ils se faisaient courser par des bestioles, et tu sais, les mecs, ils arrivaient pas. Hey, toutes les meufs, elles se font courser par Toff, c'est vrai. Pourtant elles sont pas toutes minces. Hein. Et les mecs, ils marchaient pendant des kilomètres pour trouver un espèce de bison, il fallait le tuer. Parce qu'il faut y aller à coup de cailloux. Ouais, c'est vrai. Ils bouffaient de la viande surtout, il y avait pas de McDo et de Kit Kat. Si, si, il y avait des McDo, bien sûr. Si, il y avait des McDo. Le McDo est là depuis la nuit des temps, madame. Il y avait le Big Mac historique. Exactement, et tout à fait. Mais bon, exactement. Il faut noter quand même que pour Gaëtan, se faire plaisir le week-end, donc c'est de manger une viande rouge. Hein. Oui, c'est ça. C'est une viande rouge et après, je vais chier aller au sport pendant toute la semaine. Ah bah, ouais, c'est ça. Hein. Ah bah, tu sais quoi, bah, je préfère avoir une petite bouée. J'en ai rien à foutre. Fuck le sport. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà, c'est ça. Et ben, je préfère la bouée. Et puis au moins la bouée, c'est que t'es tranquille, ouais. T'es pépère, hop, tu vas à la piscine. Si t'as un petit malaise, t'es tranquille, tu vois, t'es pépère. Non mais c'est vrai. Je veux dire, ouais, vraiment, c'est ça, c'est pas comme les mecs avec leurs abdos comme des enclumes. Voilà, ouais, c'est pour ça. Pour fondre la piscine, quoi. Exactement, ils arrêtent la brasse, ils coulent direct. Le drame. Quoi. Alors voilà, non mais voilà, il y a un moment, bon, ils se la ramènent, voilà. Non, et puis voilà. Les filles, tiens, justement, bah, donnez vos avis. Est-ce que vous préférez un mec taillé genre tablette, tout le bordel? Est-ce que vous les préférez normaux, éventuellement, peut-être avec un petit peu des poignées d'amour ou avec un petit bide? Pas gros, hein, mais voilà, mince, mais avec un petit bide et bon, voilà, normal. Ou alors vous les préférez balèze? Ouais. Voilà, donnez vos avis maintenant, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Sandro, tu préfères les mecs comment toi? J'ai pas de préférence par contre les mecs. Ah moi n'importe lequel, hein, ouais, au moment qu'il a une grosse bite. Petit, oh, grand, gros, gras, maigre, non, je m'en branle. Hein. Je suis pas très difficile niveau physique, mais j'aime pas le mec trop balèze. Mais trop balèze trop musclé, quoi? J'aime pas. D'accord, ok. Et, mais parce que balèze, ouais, c'est vrai que j'ai peut-être pas précisé. Il y a balèze, gros et gras, et puis il y a balèze comme Gaëtan. Non, qui trop est plutôt, musclé, balèze trop musclé, j'aime va... pas. Balèze trop musclé, t'aimes pas. C'est non, c'est ah, trop. Donc t'es pas trop pour Toff, quoi. Toff, c'est trop balèze. Ouais, déjà. Je suis trop musclé. Moi. Il fait trop hein musclé. Toff, il est trop de muscles. Toff, il est déjà trop balèze. D'accord, ok. Bon, comme ça, on voit un petit peu le bordel. Bon, les filles, appelez-nous 01 42 48 5000. J'ai besoin de vos avis maintenant. Et puis, vous pouvez également mettre vos avis d'ailleurs sur le Facebook et le Twitter de l'émission. N'hésitez pas. Je vais vous mettre la petite question sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez y répondre, évidemment. Bon, Toff, toi, tu préfères les meufs comment? Toi, plutôt bien taillées, plutôt maigrichonne, plutôt un petit peu grasse Non, qui couche le premier soir. Ouais, c'est pas la question que je te pose, ça fait pas partie des réponses possibles. Non, le reste, ça avait pas d'importance. Tu t'en fous. Ah, toi, oui, Polo. Je prends n'importe quoi, moi, j'en suis, les grosses, les maigres, je prends tout. Moi, ah, ils les chauves, les... D'accord. Même si lui manque une oreille, je moi prends. J'aime pas les musclés, moi, les meufs musclées. Ah si, moi j'adore. Oh, je déteste si, ça. Si, c'est classe, j'adore. Si, ah ouais. Ah, non. Je dis pas qu'elles doivent être grasses ou quoi, mais une meuf normale. Non, quoi, mais voilà. Une meuf qui a la fesse bien dure pendant que tu lui mets des petites claques là, mec, c'est. Non, c'est un plaisir. Mais tu sais, les meufs avec des abdos et tout. Oh, c'est génial. Ah, ouais. Oh là. Les deux, comme sur le vous avez vraiment des goûts de merde, les deux. Tu vois le sperme qui recoule dans les abdos et tout, c'est top. Oh, quelle horreur. Bon, ben Manu, merci d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Hein. D'accord, pas de problème. Salut à toi Manu, bye bye. Salut. Allez, ciao. Bon, et puis bah appelez-nous donc du coup, on va en parler également. Bah Gaëtan, je sais pas si tu veux rester, tu peux rester, hein, sinon pas de problème. Si jamais t'as des cours demain matin. Voilà. Sandro après. Ah oui, tu dois t'occuper, ouais, bah écoute, bon bah tu seras là, demain à 6h quoi. Gaëtan avec nous également maintenant là. Salut Gaëtan. Enfin re-salut plutôt. Salut. Excuse-moi pour le retard. Hein. C'est pas grave. Bah je vais m'en mettre une, tiens. Hop là, en pleine gueule, voilà, très bien. Voilà. Mon famille s'est reggae. C'est drôle ça, ouais, je trouve. Ah, c'est une minute. Ah ouais, dégage. Oh non. Dégage, sale chien, va. Pendant une minute, tu dégages, tu vas au coin pendant une minute, ça fera les pieds. Bon, alors, Yeton, toi, tu nous appelais parce que tu voulais voir un plan cul avec ton ex, c'est ça? Ouais, exactement. Mais je comprends pas, quel intérêt? Bah, j'ai envie de baiser, en fait. Oui, ça, j'ai compris. Mais pourquoi avec ton ex? Si c'est ton ex, c'est ton ex. Envie de baiser. Ouais, parce que mon ex, elle est bonne, en fait. Mais pourquoi c'est ton ex, alors? Fallait pas la virer? Ouais mais elle était trop insupportable en fait. Bah écoute alors moi ce que je te conseille c'est d'aller trouver une autre hein. C'est à dire que si tu sais qu'elle est insupportable, en plus si c'est ton ex elle va peut-être avoir tendance à vouloir remettre le couvert. Qui c'est qui a cassé? C'est toi en ou fait. C'est elle? C'est moi. Ah c'est toi qui a cassé, alors en plus ouais. C'est à dire que la meuf elle va peut-être vouloir justement, elle va croire que tu reviens vers elle parce que tu la re-kiffes ou un truc comme ça. Et elle va se faire des idées. Non, quand c'est fini mec, faut passer à autre chose. T'avais qu'à réfléchir avant hein. Ouais mais c'est juste qu'on a fait des trucs, on n'a pas été au bout et je voulais finir. Ah oui mais il fallait la virer après alors hein. Si t'étais un bel enculé tu l'aurais viré après. Tu crois que c'est un tableau, ouais. Je vais la finir. Ouais c'est ça ouais. Bon t'as fait le retour hein. Ah voilà, c'est ça. Justement au moment où on parle de finir. Ouais c'est oh ça. Oh là là, mais merci. Putain qu'est-ce qui mériterait d'être puni une deuxième fois sur ça. Ouais mais bon c'est bon, on va un petit peu patienter encore un peu là. Non mais voilà Yéton, écoute après ça viendra. En même temps je vois que t'as 15 balais, ça va, t'es tranquille, y a pas d'urgence non plus. Tu l'as déjà fait ou pas? Non justement, je voulais faire ma première fois avec, puis je la connaissais et tout, puis elle est bonne et tout. Non mais d'accord, mais bon, écoute. Le mec, depuis l'heure, elle est bonne et puis elle est, t'es puis pas, elle est bonne. T'es pas l'épicerie, hein. Mais est-ce qu'elle est bonne ou pas? Ouais, trop. Ah. Parce que en fait, elle est bonne. Non mais écoute, voilà, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il fallait pas la virer, c'est tout. Il fallait réfléchir avant. Et puis en même temps, tu sais même pas si elle a l'envie, tu vois, parce que là, t'es en train de faire tes courses là, genre. Ouais, mais moi je vais retourner avec elle parce que bon bah écoute, j'ai envie de la baiser parce qu'en plus elle est bonne en fait. En fait, elle est bonne. Et voilà, mais ça se trouve elle a peut-être pas envie, hein. Bah, c'est, ouais, mais je sais qu'elle est encore accro à moi en fait. Ouais mais justement tu dois pas jouer de ça. Là t'es un enculé pour le coup, ouais. Parce que tu vas jouer sur le fait qu'elle soit amoureuse de toi pour arriver à la pécho et après tu vas la virer comme une merde. Et ça c'est se fait pas bien ça. Ça se fait pas. On ne joue pas avec les sentiments d'une fille. Ne deviens pas un tof, il y en a déjà assez comme ça. Ne viens pas. On dit tof, c'est un synonyme d'enculé hein. De petites bites et de minables. De minablerie. C'est ça, parce qu'en fait ce type a été brisé dans sa jeunesse. Exactement, ouais. Complètement, voilà. Donc, d'ailleurs, je ne suis toujours pas recollé. Non mais sérieusement, je dis pas ça pour t'emmerder, vraiment Yéton, mais ça se fait pas, la pauvre. Si elle est encore amoureuse de toi, elle va revenir, elle va croire que t'as envie de retourner avec elle, alors qu'en fait tu veux juste la pécho, ça se fait pas. Ou alors tu lui dis les choses. Tu lui dis voilà, écoute, moi j'ai voilà, tu m'attires sexuellement mais je suis plus amoureux de toi. Oui. Est-ce que ça t'intéresse? Si elle dit oui, bon bah à ce moment-là, amusez-vous bien, prenez les capotes et puis après faites votre trip. Mais il faut pas lui faire croire que t'as envie de ressortir avec elle juste pour la pécho, ça se fait pas. Non, c'est clair que si... Elle est bonne, c'est ça, en fait. En fait, ouais. Ouais. Mais je dirais bien que... Elle est bonne. Tu dirais bien quoi? Je dirais bien que c'est juste pour le cul, tu vois. Non, mais c'est pas pour... Parce qu'elle est bonne. Mais il y a quand même de fortes chances qu'elle te mette une claque dans la gueule, hein, si tu lui dis ça. Mais c'est un risque à prendre. Pour le même prix, elle va dire, ok, bah, pourquoi pas, je suis intéressé, et puis t'auras tout gagné. Mais c'est un risque à prendre. Mais en tout cas, ne lui fais pas croire que t'es encore amoureux d'elle. Hein. Non. Ouais. T'es sûr hein? Non, tu lui dis juste que tu veux son cul. Voilà, oui, non mais non, voilà, tant qu'il est honnête après, voilà, voilà. Après, si la fille est d'accord, elle est d'accord, c'est tout. Hein. Y a pas de soucis. Bon bah Yéton, tu la vois quand la prochaine fois? Je sais rien, là pour l'instant c'est compliqué. Parce qu'on est assez loin mais. Pourquoi elle est où elle? Bon, tu connais un peu la Suisse? Bon, un petit peu oui. Moi je suis sur Lausanne et elle sur Zurich. Ah oui, ça. C'est pas à quoi, bah, y a 200 bornes hein, à peu près. Hein. Bon, à la nage en traversant le lac, ça va vite. Bah oui, mais enfin, il reste encore une droite à pied quand même, encore après. Hein, bah, en fait, elle est bonne, hein, elle mérite quand même. Elle parle allemand en plus. Ah ouais, c'est suisse allemand, ouais. C'est suisse allemand, ouais, c'est ça. Ouais. Donc elle parle pas le français, elle parle qu'allemand. Non, parce que d'habitude c'est à Lausanne, donc elle parle français en fait. Ah d'accord, ok, très bien. D'accord. Bon, écoute, bah, quand tu la revois, tu nous rappelles et puis comme ça tu nous tiens au courant pour voir ce que t'as décidé de faire. Ok, et il y a moyen d'avoir un pack fun. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse. Bon, quand elle aura fini de parler avec Gaëtan de sport, hein, donc autant dire que tu restes à mon avis. Elle est busy là, hein. Le téléphone sonne dans le vide, elle est busy. Ouais, elle est busy. Ça roule, Yéton, il n'y a pas de problème. Et vous gérez en tout cas. Hein. Bah, c'est gentil. Ça. Et désolé pour l'attente encore. Merci Yeton. Salut. Je pense qu'elle est bonne ta meuf. Sure, hein. Ouais, je pense qu'elle est bonne. En fait, ouais. Salut Yeton. Ciao à toi Yeton. Bon, on va prendre Chloé dans quelques minutes là, qui a des conseils, enfin pas des conseils, mais qui va nous donner ses préférences. T'es là Chloé? Oui. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Bon, très bien. Oula, on va te rappeler Chloé. Bouge pas parce qu'il y a un peu d'écho là. Bouge pas. Tu vas nous donner tes préférences puisque je vous avais demandé qu'est-ce que vous préfériez les filles là. Est-ce que vous préférez des mecs hyper bien bâtis, tablettes de chocolat, etc. Est-ce que vous préférez les mecs normaux? Voilà, donc pas forcément bon, un peu musclé, mais pas dans l'abus. Et puis avec un petit bidon ou avec un petit des poignées d'abour. Enfin voilà, rien de bien exceptionnel. Ou alors si vous préférez les mecs balèzes, que ce soit gros comme moi, ou balèzes musclés. Voilà. Ah bon? Balèze. Non, ouais, Polo il est balèze. Voilà. Si je suis balèze quand même. Oui, enfin, j'ai de la force. Oui, on parle pas de force là. J'ai frappé Tof plus d'une fois, ils s'en souviennent. Oui, mais c'est facile. Non. C'est facile, c'est comme les mecs qui disent ah oh, moi j'ai de la force, j'ai tapé une fille. Ah ouais, génial, ouais, t'as de la force. Ouais. Ne compare pas Tof à une fille. Et non, je cours plus vite, j'ai pas de talons. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on écoute le son d'Armin Van Buren maintenant sur Fun Radio avec Ping Pong. On est toujours au cœur de la nuit sans pub, hein, je vous le rappelle. Il y a les appels malveillants de Tof qu'on va remettre, le couvert dans quelques minutes. Et puis bah continuez à balancer vos messages. Hashtag et Mickaël sur le Twitter. Il y a le top tweetos qu'on fera dans une demi-heure. Et puis Polo against the rest of the world. Le son d'Armin Van Buren à l'instant sur Fun Radio, c'était Ping Pong et putain sa mère entre le genou et le casque que tu m'as envoyé dans la gueule. Je crois qu'il y a une malédiction dans ce studio et il t'en veut. Ah, tu sais, un jour il va se lever le studio, il va nous manger. Ouais peut-être, ouais, c'est possible. Peut-être. Non, en fait là c'est parce que j'ai. On a des casques qu'on met donc sur les oreilles forcément. Et donc du coup je l'ai tiré et en fait il m'a glissé des mains et paf, je me suis pris un côté dans la gueule. Putain, c'est quelle violence. Accident du travail, hein. Accident du travail, je pense qu'il y a quelque chose à faire. 6 mois de pause. Ah, je pense, ouais. Il y a Thomas qui dit, moi, je préfère les filles qui sont bien taillées et qui n'ont pas de kilos en trop. Une fille blonde ou brune ou châtain. Ou, enfin, bon, en gros, tu prends tout ce qui passe, quoi. Qui a une belle poitrine et des fesses bien formées. Ouais, puis c'est pas du tout difficile, quoi, Thomas. C'est ça qui est bien. Megumi qui dit, perso, je suis pas compliqué, mais trop musclé, non. Dessiné, c'est beau et un peu de bide. Ça ne me dérange pas. Il y a Valou qui dit, trop de muscles tue le muscle. Et un homme qui a des poignées d'amour. Ça nous en fait plus à aimer. Il y a Corentin qui dit, pas trop musclé pour moi. Nadia qui dit, pas un gros patapouf, pas tout maigre, juste au milieu. Et Maeva qui dit, vous êtes les meilleurs, je peux avoir un dédicace s'il vous plaît, sinon je vous aime, vous gérez. Mais bien sûr, Maeva, je t'en mets une petite en plus de notre nouvelle amie. On va enculer ta mère, je te dis, PD. Voilà. Bon, il y a Chloé qui est là. Chloé, t'es là? Chloé? Oui. Très bien. On t'a rappelé Chloé pendant le disque? Oui. Ah bah ça on se rend pas bien compte là comme ça. Bon tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu préfères Chloé toi comme comme style de mec? J'ai mis la question sur le Facebook et le Twitter hein, donc n'oubliez pas d'aller donner vos avis sur Mickaël officiel. Et puis bah du coup vous nous dites hein, vous préférez les mecs bien taillés, style tablette de chocolat, relativement maigre et bien musclé, ou alors plutôt les mecs on va dire normaux. Voilà, c'est ça, donc pas trop maigre, pas trop gros, pas trop pas musclé, pas trop musclé, genre avec une petite poignée d'amour, bref. Le mec lambda, le mec normal, ou alors le mec balèze, voilà, c'est ça. Alors, tu préfères quoi, toi, Chloé? Bah, moi, plutôt de normal à musclé, on va dire. De normal à musclé, alors c'est-à-dire? Bah, ça veut dire pas trop gros, ouais. Sec, quoi. Pas soit trop. Sec, soit musclé, mais pas, ouais, pas ouais, trop... Ouais, donc c'est pas normal, c'est sec. Ouais, sec. Genre un mec par exemple qui a un espèce de petit bide, pas gros hein, je parle hein, je dis pas que le truc il déborde partout, mais il a un petit bide quoi. Bah ça va, si c'est un petit bide ça va. Non, ça va. Ouais. Ouais, donc c'est pas sec non plus. Voilà. Ouais, faut pas que ça soit sec, bidé hein. Quoi. D'accord, ok. Est-ce que t'as vu le Tof? Est-ce que t'as vu Tof? Non, j'arrive pas à me connecter sur votre. C'est bien, hein, c'est mieux. Hein. Il vaut mieux que ça reste un rêve. Hein. Il vaut mieux que ça. Il vaut mieux. Te fais pas de mal. Ouais, il vaut mieux rester dans l'imagination. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. La radio, c'est toutes les photos, les vidéos, ça tue le délire. Hein, ouais, parce que tiens, après, t'imagines plein de trucs et tout là. Ouais. Imaginez, vous fermez les yeux là maintenant et vous imaginez Tof. Vas-y, parle. Voilà, je suis là. Ouais, tu pourrais dire, putain, le mec, c'est George Clooney, tout blond, ça. Blond, une belle mèche à la Justin Bieber, voilà, des abdos, ouais. C'est ça, 1m90. Ou George Clooney, quoi, voilà, ouais. George Clooney, alors qu'en fait, c'est. Ouais, bah, donc. Et donc, alors qu'en fait, pas du tout, hein. Ouais, alors que c'est Roger le clown, quoi. Ouais, comment tu décrirais, puisque Gaëtan est avec nous, hein, Gaëtan qui est donc le prof de sport, le coach sportif, comment est-ce que tu décrirais Tof pour toutes les filles qui sont là à l'écoute, qui n'ont, même les mecs, et qui n'ont jamais écouté, qui n'ont jamais été voir sa photo sur le Facebook? Moi? Allez, Non, attends, je demande à Gaëtan, le coach sportif, là. Je dirais 1m80. Ouais, pas mal. Cheveux, ouais. Poivre et sel. Très sel. Très sel. What else, quoi? Ouais, what else? Tu vois, il l'a dit, what else? Ouais, mais t'oublies tout le reste. Bon, allez, la description physique du corps. Physique du corps, ouais. Quelle physique? Je croyais que t'allais dire quel corps. Ce qui aurait pu marcher aussi, hein. Non mais voilà. Non mais ça va, il est pas gros. Ah non mais gros non. C'est le problème de non forme. Oui c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas, y a rien n'est proportionné. Voilà. Pas. Il s'adapte, c'est ça. Il s'adapte à toutes les formes. Ouais, on dirait une limace qui peut se mettre sur un caillou, qui peut se mettre dans la terre, qui peut se mettre sur un sol plat. C'est vrai. En fait, c'est juste ça se met. Voilà. C'est un serpent qui rampe et en fait voilà. le pour le moment il est plié au milieu. Exactement. Tu vois. Ce que tu mues. Bah, c'est ce que je me demande. Écoute, peut-être, ça je mue très souvent. Hein. Là ça va, mais il m'arrive de pouvoir retirer des lampes. Voilà. Non mais sérieusement, bon, revenir à Toff, hein, si vous l'avez pas encore vu, mais il a déjà fait, il va courir, enfin je sais pas s'il fait encore. Si, ouais, je cours. Il fait un peu de sport et tout, mais malgré tout, il y a aucune forme, comme si les formes, comme du vélo, il fait beaucoup. Comme si les abdos ou comme si le muscle ne pouvait pas se greffer sur le corps. Ils s'interdisaient la venue, ils partent, ils vont. Voilà. Ils s'en vont comme ça du corps de Toff, il y a une espèce de conflit. Mais c'est un chaos qui s'organise. Mais c'est vrai, c'est-à-dire jusqu'au bide, ça va, parce que je suis quand même relativement musclé, mais après c'est une catastrophe. Après il y a rien. Ouais. C'est vrai. Bah après il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens ils vont manger, je sais pas moi, 3 fois par semaine, ils vont au quick, ils vont au kebab, à la pizzeria et tu les regardes, ils font 50 kilos quoi. Oui, c'est vrai. Là, tu bouffes ça, tu prends 50 kilos. Exactement, ouais. Non, mais tu, oui, tu voilà. Prends pour eux, en fait. Voilà, c'est grave. Ça. Bon, Chloé, moralité, reste dans l'imagination, c'est mieux. Ouais. Okay. On t'enverra un sextoy passage du désir pour rester dans l'imagination. Voilà, passagedudésir.fr. Évidemment. Et qu'est-ce que tu penses des garçons, allez, entre 1m85 et 1m90, entre 90 et 107 kilos? Enfin, Gaëtan, quoi. Bah, 107, je sais pas, j'ai du mal à m'imaginer, mais mon frère, il fait à peu près cette taille et il fait quasiment 90 kilos maintenant parce qu'il est tout en muscle, donc... Mais pourtant Gaëtan il est en muscle aussi, hein. Je peux dire qu'il met une patate à Toff. D'ailleurs ce serait bien essayé pour voir. Non, j'ai pas envie d'avoir de problème avec la police. Ah non, mais il y a pas de problème avec la police, on portera pas plainte, t'es fou. C'est un délinquant. Voilà, en un fait délinquant, c'est comme à la radiophonique. C'est comme quand à la foire, c'est t'as le truc là. Pompon. Non mais t'as le, comment on appelle ça, le punching ball. Le punching ball, tu sais, qui descend et tu dois taper dessus pour voir ce que tu fais comme score. Le pauvre. On pourra l'attacher au plafond. Non. Et puis il redescendrait comme ça et ouais, mais non. Ce serait bien ça. Mais j'y ai pensé, mais non. Bon, tant pis alors. Donc voilà, ouais. Donc toi, tu préfères les mecs, en fait, maigres, musclés maigres. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah voilà. Eh bah, très bien. Bah, comme ça, au moins, l'affaire est pliée. Là. C'est parfait. C'est comme bon, les yaourts. Il y a maigre et demi-maigre. Ouais, t'es pas difficile. En fait, ça, c'est ton imagine. Ça, c'est ton kiff. Mais tu sais bien qu'en fait, voilà. Tu dois. C'est comme moi, tu vois. C'est-à-dire qu'un kiff, j'aimerais bien avoir une Audi R8, par exemple. Ça, c'est mon kiff. Ah ouais. Mais je l'aurais pas, tu vois, je veux dire. Ouais, c'est ça, moi c'est pareil, moi je kiffe des putains de bonnes meufs et tout, mais je sais bien que... Bah, mon kiff, en parlant de meufs, par exemple, ce serait, comment elle s'appelle, là, avec son nom hawaïen, là... Oh putain, à chaque fois je l'oublie. Autant je me souviens très... Kylie et Koui... Ouais, c'est ça, mais... Kweko, mes couilles. Non, comment elle s'appelle encore? Attends, j'ai... Kweko... Elle joue dans The Big Bang Theory, c'est la petite blonde qui est dans Big Bang Theory, là, je sais plus comment elle s'appelle. Kuala Kweko. Ouais, quelque chose comme ça, attends. On dirait un débile qui est en train d'essayer de parler. Tu t'as trouvé ou pas? Je suis tu. Oh bah oui, mais enfin, sois pas trop tu non plus, hein, reste calme. Kylie Kuoko, ouais, c'est ça. Kylie Kuoko. Enfin bon, c'est assez compliqué, mais vous allez voir que si vous arrivez à trouver la photo en tapant le bon mot sur Google, vous serez pas déçu. Hein, vous touchez avec les yeux, hein, attention. Bon, Chloé, bah, je te fais des gros bisous. Ouais. Et puis, j'ai le droit d'avoir un Paxson? Absolument pas. Non, si, je vais te repasser 100 euros. Bon, elle est en pleine discussion avec Gaëtan là pour le régime et tout ça, qu'elle ne tiendra pas comme tous les autres régimes. Donc, En fait, on se fait chier depuis le début, mais elle s'appelle Christine Kuoko. Bah pourquoi on l'a... C'est quoi les machins chouettes là alors? Bah parce que c'est son nom de star quoi. Mais vrai elle s'appelle Christine quoi. Ah putain, ça casse le délire. Bon, c'est pas grave, hein, je la prends quand même. Donc Christine comment? Sweeting. Christine Sweeting. Ouais. Dis en anglais, ça va. Christine Sweeting. Chris. Voilà. Christine. Mais sinon, okay. Sinon c'est Kylie Kuoko. Kylie Kuoko. Très bien. Bon, ben Chloé, gros bisous à toi. Tu restes au standard, d'accord? Ouais, merci beaucoup. Salut, je t'en prie, bonne Chloé. Soirée. À bientôt. Et puis donnez vos avis encore, les filles et les garçons. Là, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Camille avec un K qui dit hello. Oui, je sais, je viens une demi-heure à la fin. Tant pis, vas-y, balance un coup de pelle. Bah oui, écoute. Ah ouais, t'as mérité là. Je te le confirme, là, 30 minutes de la fin, là, faut quand même pas déconner, Camille avec un K. Sébastien qui dit Tof, c'est une barbe à papa. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais, ouais, il y a peut-être un petit peu de ça. C'est Barbie truc. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas le bâton et puis t'as la barbe. Il y a Delphine qui dit mon style, c'est toi, Mickaël. Oui, oui, bien taillé, corps d'athlète, ouais. Beau gosse, balèze. Ouais. Voilà quoi, c'est ça. L'homme parfait. L'homme parfait. Le muscle au naturel. Ah ouais, oui. C'est une sorte de c'est, vous savez, c'est statue grecque. Voilà, c'est ça, c'est exactement. C'est ça, c'est Apollon. Regarde, sur son char. Complètement carré au-dessus. Tout est carré là. Ouais, non, ouais, à fond. Beau gosse, à puissance. Fond, beau gosse. Tout est carré, tout est carré. Il fallait définir le beau gosse, c'est Mickaël. Tout bah écoute, je pense. Voilà. Le matin, parfois, je me regarde, je me dis putain, qu'est-ce qu'il est beau. Je beau me baiserais bien. Mais bon, c'est pas possible. Delphine qui dit aussi, donc embrasse Izzy pour moi. Bah je le ferai, Delphine, si elle est encore vivante. Andréva aussi qui dit, Tof, en entendant sa voix, je pensais qu'il était brun aux yeux clairs, musclé, mais non, il est blond et gros. Ah blond. Ouais, mais j'ai les yeux clairs. Elle avait quand même une bonne réponse. Il fut un temps, il était blond. Ouais, il fut, mais c'était il y a longtemps. Il était à temps révolu. Il faisait du foot. Ouais, quand il était à Coivever. Il y a Laura qui dit, moi je préfère un homme normal, mais par contre je préfère mon mari qui est normal, grand, pas de ventre. Ok, Swimel aussi qui dit, moi je préfère une blonde pas trop maigre et pas trop grosse. Cédric qui dit, j'ai envie de pisser mais je peux pas, faut que je tweete. Oui. Bah écoute Cédric, tu peux prendre ton téléphone ou ton ordi aux chiottes hein, si tu veux, c'est pas un problème. Tu t'assieds, comme ça tu peux continuer à tweeter en pissant. Bah voilà. Et 69 degrés qui dit, j'ai acheté une tablette pour plaire aux meufs, il paraît qu'elles aiment ça, les mecs avec des tablettes. C'est drôle ça, 69 degrés. Tu sais que si elle est bonne, elle est bonne. Toff aurait fait la même, il aurait été au coin pendant une minute. Donc voilà. Je vais la ressortir celle-là. Ouais, bah t'emballes pas et pas trop vite. Hein. Je la replacerai. On se fait le son de Mister Probs maintenant avec Waves sur Fun Radio. Les derniers appels de Toff, c'est dans quelques secondes, en direct sur Fun Radio. Donc bougez pas de là, il y a Polo contre le reste du monde qui va débarquer. Ce sera d'ici 20 petites minutes sur Fun Radio. Si vous voulez participer, bah, vous nous appelez, vous connaissez le numéro 01 42 48 5000 au cœur de la nuit sans pub. Bonne nuit tout le monde. C'est Fun Radio et Mister Probs à l'instant, c'était Waves. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. En direct toujours sur Fun, il est 2h-20. Il n'y a pas de pub d'ailleurs. Il y a Nora qui dit Merki Kiku Polo. Je rappelle que ce sont les abréviations préférées de Polo, je tiens à le rappeler. On va parler maintenant de Ipsos, puisqu'on est tombé sur une enquête qui disait que 47% des femmes souhaitaient plus de rapports sexuels. Oui, parce qu'elles n'en ont pas assez à la maison. Elles en veulent plus, les gourmandes. Exactement. Les goulus. Du coup, depuis tout à l'heure, on appelle des gens afin de leur poser la question de savoir si dans leur couple ça se passe plutôt bien. Bah oui. Ou plutôt mal. Si donc on y va. On est tombé sur des gens très charmants tout à l'heure. Adorable. Trop charmant. Et donc du coup, bon, on met le couvert maintenant. Allez, c'est parti, on y va, on appelle, 2h-20 sur Fun. Et on est en direct jusqu'à 2h comme tous les soirs. Allez. Allez. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui. Voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez satisfaite du nombre de fois où votre mari vous fait l'amour. Oh non, franchement. Non, c'est pas assez ? Vous voudriez non, qu'il fasse plus. Mais ça va pas, mais qui êtes-vous ? Je m'appelle Tof, madame. Mais ça va pas, non ? Bah si, ça va, et vous, madame ? Non, mais ça va pas. Mais si, ça va très bien. Enfin, je comprends pas, madame. Mais je vais faire... écoutez, je vais savoir... je vais arriver à savoir qui est-ce qui m'a téléphoné. Appel masqué, mais ça va pas, non ? Mais je m'appelle Tof, madame. Et qui êtes-vous ? Bah Tof, madame, je viens de vous le dire. Oui, après, je vous écoute, ensuite. Bah je veux juste savoir si vous êtes satisfaite du nombre de fois où votre mari vous fait l'amour, c'est tout. Mais ça va pas. Hein. Mais si, ça va très bien. Je comprends pas pourquoi vous... Enfin, vous répondez pas à la question, madame. Mais j'ai pas à répondre, c'est intime. Bah non, c'est pas intime, c'est juste vous me dites oui ou non. Il y a rien d'intime dans oui ou non. Et qui vous a donné mon numéro ? Bah l'annuaire, madame. Mais vous êtes un détraqué, excusez-moi. Hein. Mais pas du tout, madame, enfin je comprends pas pourquoi vous dites ça. Je vous pose juste une question simple, madame. Mais j'ai pas à répondre à votre question, vous êtes débile. Mais pas du tout, madame, je suis pas débile, je vous pose juste une question. Si vous savez, vous seriez chez nous là encore, si vous vous prendriez deux coups dans la tête, ça vous ferait le plus grand bien, hein, franchement. Hein. Il faut vraiment être français, hein, parce que nous les Français, on les aime hein, ici. Mais je suis pas français, madame, mais on s'en fout. Je veux juste savoir si vous êtes contente du nombre de fois... Arrêtez, hein, êtes un Français de merde. Non, je vous ai déjà dit, je ne suis pas français. Oui, vous êtes un Français de merde. Non, non, je vous assure que non. Je vous assure que non. Mais ça alors écoutez-moi bien, moi je vais vous donner un conseil. Oui, mon mari fait des expertises. Oui. Il a accès à la police. Si vous rappelez qu'on peut avoir accès à votre numéro, je vous jure que vous allez avoir des problèmes. Oui, je sais, tout le monde me promet ça, madame. Donc, et sinon, vous voulez pas répondre à ma question d'abord? Mais tu es un débile, va, allez, va te coucher, va. Mais pas du tout, madame, allô? Va te coucher, va. Mais répondez à ma question. Allô? Ah ben non, ouais, je pense que nous étions en Corse. Ouais. Oui, oui, oui, voilà. Je pense qu'on est en Corse. Parce que c'est rare quand on appelle un endroit où on dit ça le français de merde. Oui, oui, oui. De bon, parisien. À part si on appelle en Corse, évidemment. Hein. Ça lui fait quand même beaucoup de si. Hein. Alors, oui. Si mon mari travaille, s'il a accès, si vous appelez. Bon, il y a déjà un si qu'on peut faire, c'est rappeler. Oui. Hop, je propose que nous continuions directement. C'est parti, on y va, on rappelle en Corse sur l'île de beauté. L'île de beauté va décrocher. Oui, madame, faut pas le prendre comme ça. Mais lâchez-moi, monsieur, vous rendez compte? Mais lâchez-moi. Ben oui, mais vous répondez pas à ma question, madame. Mais j'ai pas à répondre à votre question. Ben si, c'est pour ça que je vous appelle, madame. Lâchez-moi. Mais oui, mais répondez à la question, madame, et on n'en parlera plus. Non, elle a pas envie, apparemment. Elle est pas très disposée à répondre à la question, on va la rappeler. Dernière. Oui, bah oui. Franchement, vous êtes con. Oh non, madame, non. Ah si, bon ah, voilà. Si. Hop, ça, l'affaire. Bon, je pense que nous avons bien résumé la situation, hein. Oui, oui, oui, oui. Très oui, bien. Oui. Ah, il y a Maëva qui dit la meuf que vous venez d'appeler, c'est ma tante. Oh merde, la pauvre. Allez, sympa ta tante, Maëva. Bah tu l'embrasses de l'autre part, si tu veux, Maëva. Pas de problème. Elle était bon esprit, hein. Oui, elle est adorable. Ah vraiment adorable. Là, tu lui feras un câlin pour nous. Mais grave, c'est très... normal. Un connard t'appelle, bah t'as envie de lui mettre une balle dans la tête. Qui tombe sous le sens, bah, effectivement. Ouais. En Corse. Effectivement. Bon, il y a Angelina qui est avec nous là. Salut Angelina. Bonsoir. Comment ça va, Angelina? Ça va très bien, et vous? Bah écoute, plutôt pas mal, Angelina. Alors, dis-nous toi, qu'est-ce que tu préfères comme mec? Plutôt un mec balèze, plutôt un mec comment? Moi, mon style d'homme, c'est polo. Polo, il est magnifique, j'aime son corps. Non, c'est pas ça. Je pense que plutôt c'est le charisme. Le charisme? Ouais, il peut être gros, il peut être petit, moche, tout ça, mais s'il a du chien, c'est ce qui compte le plus. Waf. Donc il peut être grand, il peut être petit, il peut être gros, il peut être mince, mais tant qu'il a du charme, ça marche. Ouais. Mais c'est ce que j'aime, moi. Robert De Niro, par exemple. Ah il est surtout très vieux, là. Vieux, ouais, bah c'est pas grave, hein. J'aime bien les vieux aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Même quand il était jeune, t'es pas très beau. Oui, c'est vrai. Il est pas moche, De Niro. Non, par exemple, un mec qui arrive et qui te parle comme ça. Bonsoir, Angelina. Comment ça va? C'est moi qui fais de la mandoline. Ah. Ouais. Tu m'entends, Angelina? Mm-hmm. Tu veux que je te pète le cul ce soir, Angelina? On va faire classique d'abord, hein, on se connaît pas. Hein. C'est dommage, Angelina. Ouais. J'étais pourtant préparé. Mais moi j'aime beaucoup la meuf qui est pas contre quand même. Elle dit d'abord classique et puis on y va. J'ai le lubrifiant. Ta gueule. Si tu veux. Je viens de me débarrasser de Toff là. Cette merde là. Il est venu, il est rentré comme ça dans mon humble demeure. Nous on rigole pas, nous la mafia. Nous les mafieux, on rigole pas. Tu dis quoi? C'était sympa la musique. C'est moi la mandoline, t'as aimé? J'aurais été amoureuse de toi là. C'est vrai, écoute. Ah mais non. Malheureusement, tu es trop vieille pour moi, Angelina, tu as 32 ans. Oui, c'est là où... Non, je pense que j'ai pas de problème avec l'âge, mon plus jeune. Non, mais je plaisante. Mais envoie-moi une photo à polo@funradio.fr, je ferai mon petit compte-rendu. Compte-rendu, ouais. Je crois que tu vas être... Déçu. Tu vas garder sur... Ah non. Ah bah, on voit. Alors, je te promo. Angelina. Je connais pas ton mail. Polo, polo@funradio.fr. Ouais, mais juste pour... Polo@funradio. @funradio.fr, polo@funradio.fr, ça m'évitera d'avoir du kikou et du mercou ou de mes couilles. C'est possible que tu me l'envoies en texto comme ça. Ouais, tu l'envoies en ce que tu veux, Oui, comme ça je t'envoie une belle photo. Ouais, voilà. vas-y. Angelina, combien mesures-tu? Mais je fais 1m62. Combien pèses-tu? Je fais 48 kilos. Et il faut manger maintenant, Angelina. Quel est ton tour de poitrine? Faut pas hésiter à manger un petit peu. Va au quick là, c'est pour moi. Non, mais ça va, j'ai pas de problème avec mon poids. Moi aussi, je fais beaucoup de sport. Ouais, j'aime le sport. Tu as éludé une question. Quel est ton tour de poitrine? 90 E. E comme Émile? Bah ouais. Comme énorme, étourdi. Ouais, mais excuse-moi, c'est les tiens ou la chirurgie t'a un peu aidé? La chirurgie m'a un peu aidé. Ouais, je me disais bien. C'est parfait, j'adore le plastique. C'est fantastique. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Doux aussi. Hein? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34. Ah oui. Bah écoute, Polo descend justement à Cannes ce week-end. Ouais, justement, je savais pas. Justement, par hasard, il allait à Cannes. J'ai un rendez-vous. Il allait pour le festival, bon, trop tard, mais voilà. Toujours en retard. Festival, là. C'était super le festival. Bah oui, mais justement, c'est pour ça, il y allait, là. Il était invité, mais il va. Là, en fait, il va remballer le tapis rouge. C'est ça, c'est mon métier. Je remballe tous les tapis, toute la merde que je vais nettoyer avec Toff. Il va nettoyer. Le problème, c'est qu'il y a trop de kendo pendant le festival. Ah bah oui, mais c'est pour ça, il va descendre avec Toff, là. Tu vas voir, il passera inaperçu. Bon, bah écoute, mais merci beaucoup, Angelina. Je te fais des gros bisous en tout cas. Moi aussi, t'embrasse. N'oublie pas. Salut n'oublie à toi. Angelina. À bientôt. Polo, P-O-L-O. Ok. Ciao. Ciao Angelina. Il y a Mélodie également qui est avec nous, le de Caen là. Salut Mélodie. Bonsoir Mickaël. Ah, c'est pas le même mode, le même modèle là. Ça va Mélodie? Salut. Oui, ça va et toi? Ouais. Bah écoute, plutôt pas mal Mélodie. Mais tu t'es toujours appelée Mélodie? Oui. Ah oui. Non. Non, non. Mais il y a pas de mal. Il y a pas de mal. Non, si tu t'étais appelée Mélodo pendant un moment, ça nous aurait pas choqué. Toff. Une ouais, ça va. Oh, merde. Allez, hop, vraiment une merde. Au coin, casse-toi là. Hop là. C'est vraiment scandaleux comment tu peux parler comme ça aux gens. Une vraie merde. Enfin, bon, Mélodie, tu voulais nous donner ton avis par rapport au style de garçon du coup. Hein, oui. Que tu préfères. J'aime bien les garçons très obèses avec le ventre qui retombe. Quand il faut chercher. Donc t'aimes bien les mecs comme Toff? Je sais pas. Bon, allez, exceptionnellement, je lève la punition à la moitié. Ouais. Voilà, il peut revenir, comme ça tu peux parler un petit Mélodie, peu. Mélodie, combien mesures-tu? 52 ans. Alors, j'ai 52 ans, je mesure 1m76. Combien pèses-tu? 94 kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 120D. Non, arrête, 120D, c'est pas possible. Mais tu vois pas qu'il s'appelle, Roger, le mec? Et la taille des pantalons que tu as acheté? 48. Ah oui, bah oui. Ah oui, qu'est-ce qu'elle est balèze, qu'est-ce qu'il y en a pour la famille. Ah, on peut monter à plusieurs là. Merci Toff, une minute. Allez, hop, allez, fous le camp. Tu préfères un parrain? Oui, bah voilà, mais de toute façon là, ce sera rien du tout puisque il est dégagé de nouveau. Hein. Et cette fois-ci, je ne lèverai pas la sanction. La sanction est ferme et définitive. Bon, Mélodie, donc t'as donné ton avis, donc tu préfères les balèzes alors, hein? Oui. Très bien, parfait. Et bah écoute, je vais te repasser Toff hors antenne, hein. Je pense que vous ferez les petits. D'accord. Bon, salut Mélodie. Hein. Mais c'est un peu tard hein, pour faire des enfants. Non, c'est un peu tard. Mais non, mais il y a jamais de, il y a pas d'âge. T'inquiète pas, il y a pas de problème. Toff est fertile en plus. Oui, voilà, c'est ça. Il a la fertilité ses même. Les spermatozoïdes s'en vont comme ça. Il est. Ah bah, cool, ils se barrent tous. Ils peuvent plus rester à l'intérieur. Dès qu'ils sont partis, mec, je peux te dire que c'est la fête. Hein. Ils ont la même tête que Toff. C'est horrible. Une horreur. En fait, ils ont pas de style. Tu vois, le spermatozoïde, il est élancé. Tu sais, il avance. Et l'autre, il est à. La queue, elle est à moitié abîmée et tout. C'est une horreur. Même la tête. Ah, tout est abîmé, bah oui, c'est de la merde. Abîmé, ouais. Bon, bah salut Mélodie. Salut, bonne soirée. Allez, à bientôt Mélodie, salut, ciao. À bientôt. Salut Mélodie, ciao à toi, bye bye. Bon, et puis il y a quoi? Il y a Ewet qui dit Toff est l'homme parfait pour elle. Ah oui, effectivement, oui. Oui, oui, bah oui. Tout à fait prévu, hein, tout à fait. Bon, allez, continuez à balancer vos messages, on va se mettre le son, puis on me le demande souvent, le son de Black M, là, on va le mettre maintenant, là. Black M avec Sur ma route, et puis bah juste après, il y a Polo contre le reste du monde, mesdames ouais. et messieurs. Si vous voulez participer et vous faire éjecter de l'émission, bah vous appelez 01 42 48 5000, 1h51, bonne nuit, c'est Mickaël No Limite, sans pub sur Fun. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. Le son de Black M sur Fun Radio, c'était Sur ma route. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est évidemment toujours en direct, 1h55, avec encore vos messages qui arrivent avec le hashtag et Mickaël. On va faire le top tweetos dans quelques minutes. On verra donc quel est l'auditeur le plus influent, quel est celui qui a été le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. Vous pouvez bien entendu encore continuer à le faire pendant quelques minutes. Profitez-en. En attendant, eh ben c'est l'heure de Polo contre le reste du monde. C'est une grande émission avec un sage, un médecin, c'est quelqu'un vrai. Qui est à votre écoute c'est tous moi. Les soirs et qui est là pour vous aider. C'est un peu votre grand frère, votre père, votre grand-père, votre grand-mère aussi, ouais. Votre grand-mère, votre soeur, votre chien, votre souris, votre sac à merde. Bon, tout est là quoi. Allez, c'est parti. Et oui, après cette présentation, merci d'ailleurs. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio et on commence tout de suite avec Lino. Lino. Lino. Allô. Lino. Oh mais qu'est-ce qu'il est con celui-là. Oh là là. Le coach gros. Ouais, bonjour. Salut, salut le coach, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bienvenue. Non, parce que là, je vous entends parler régime, ouais. Voilà, parler sport. Bon, moi, je pense qu'il faut arrêter tout ça, quoi. Ah bon? Ouais, moi, pour moi, l'important, c'est un bon paquet de chips, une bonne bière, devant un match de foot en train de se gratter les couilles, quoi. Parfait, le coach gros. Le blagueur de merde. Ouais, Polo, comment tu vas depuis hier soir? Ça va, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, mine-toi, arrête de raconter ta vie, on s'en fout. Mais. Oh, allez, hop, pas... dégage d'ici, ouais, il va pas raconter sa live. Steven! Oui. Je t'écoute. Ouais. Pourquoi t'en fais con? Casse-toi. La vieille. Oui, allô, Polo? Oui, bonjour, vieille. Très vieille. Mais non, c'est ta mamie, t'es pas venue boire le café à la maison. Non, bien sûr que non, mais je te connais pas, donc c'est un peu normal, la vieille. Qu'est-ce que tu veux? Tu perds la tête? Je viens à la maison. Bon, d'accord, j'arrive. Jean-Jacques Dulac. Ah, qui couffe, Polo. Bonjour. Merci de m'avoir reçu. Oh là, super. Lucas. Ouais, Polo, ouais. C'est moi. Alors aujourd'hui, je suis allé en vélo, ouais. et on m'a appelé, je me suis rétami comme une grosse merde. D'accord. Et je me suis fait très mal en plus. D'accord, c'est génial. Pourquoi tu me racontes ça? Bah, je voudrais que tu me soignes en fait. Je m'en fous, le blagueur, on écoute. Polo. Ouais. Tu te souviens pas ce que t'as fait en boîte hier soir? Dis-moi. Mais t'as bu comme un gros porc. Tu les as tout insultés. Qui ça? Mais les meufs, tu leur as fait je t'emmerde, j'étais en train de baiser moi. Et toi, t'as fait je t'emmerde à toutes les meufs. Ah bon? T'as vu du whisky, de la vodka, tu t'es mis bien hier soir. Ah ouais. Après, je t'ai mis à poil et t'as dansé sur le bar et tout. Ta mère raconte pas ce genre de truc, c'est perso. Lino, 12 ans, je t'écoute. Ah non, mais j'en ai marre. Là, tu fais que m'envoyer. Je t'emmerde. Lino, t'es en train de faire un spectacle de fin d'année, c'est ça, pour ton école? Comment t'as deviné? Bah, je devine tout, Lino. Le coach, gros, le retour. Allez, des conseils de régime. Bah, des conseils de gros, hein, parce que bon, nous, on fait du gros de père en fils dans la famille. Mon père, bon, c'est 170 kilos. Moi, ouais. J'en fais 185. Ouais. bon, voilà, quoi. Donc, 185 kilos, tu t'es pas en train de te foutre de ma gueule, là. Pour 1m70, hein. Ouais. Voilà, donc, non, on fait du gros, hein, mais on sait faire du gros en batterie, quoi. Ah ouais, ok, ah, d'accord. Ouais, non, nous on rigole pas. Et comment t'es arrivé à ce niveau de musculature? Bah, c'est assez simple, hein. Le matin je prends un petit déj assez simple. Ah ouais. Bacon, saucisse, hein, normal. Ouais. Hein, tout ça toujours avec un bon café, avec deux doigts de sucre et un centimètre de lait, c'est normal. Ouais. Bon voilà, alors pour le midi, moi ce que je recommande toujours c'est du porc, hein. Rien que du porc et que du porc, sinon ça sert à rien. Alors, le porc, il faut toujours l'agrémenter de sauce. Hein. Bah alors oui. L'important c'est de varier la sauce tous les jours, hein, une fois au poivre, une fois béarnaise, enfin bon, faut bien l'agrémenter. Okay. Alors je recommande pâté toast frites. Hein, ouais. Mélanger les deux, hein, comme ça on n'a pas l'impression de manger toujours la même chose. Pour le dessert, bon, un truc léger, hein, parce que bon, faut se remettre de tout ça. Bon, ouais. Donc bon, une île flottante, quoi, tu vois, un truc simple. Bah, merci voilà. Le coach, merci pour ça. Steven. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Oh, grand maître, pourquoi toi t'es aussi con, et moche, et abruti, et gros? Ouais, et pourquoi t'as une voix de merde comme ça, toi? Ah ouais, tu vois, je te pose des questions, allez, casse-toi, la vieille. Oui, Polo, là je suis avec ma copine Prisca, on t'attend dans le lit, hein. D'accord, mais pourquoi? Mais attends, je comprends pas. Qui êtes-vous, madame? Mais je suis la vieille d'à côté. D'accord. On t'attend, Polo. Bon, j'arrive, j'aime bien les vieilles, moi je prends tout, tu sais. Oui, mais c'est bien, il y a plein de croûtes quand même, faudra les enlever. Jean-Jacques Dulac. Oui, donc tu veux rentrer dans l'armée des durs, c'est ça? Je t'entends pas. Tu veux rentrer dans l'armée des durs. Allez, casse-toi. Hey, tu sais ce que tu vas faire, Jean-Jacques? Tu vas te raccrocher au nez. Je te donne ce petit plaisir. Allez, raccroche-toi. Ah, merci. Allez, vas-y, raccroche. On y va, merci beaucoup. Lucas. Moi, j'ai fait du sport aujourd'hui, j'ai fait du foot et je me suis encore pété la gueule. C'est génial, arrête de raconter ta life. Le blagueur de merde. Ouais, tu dois me rembourser mes pompes, hein, parce que tu m'as dégueulé dessus à la fin de la soirée, putain. Et écoute, arrête de raconter ma vie, je t'ai déjà dit. Lino, le retour. Conclusion, les moutons sont moins forts que les filles. Ouais, super, allez, dégage. Steven, conclusion. Oui, donc c'est moche. Super, on s'en fout ça aussi. La vieille. Oui, bon, tata, on avait pris ça. Ok, attendez-moi, j'arrive. Lucas, conclusion, s'il te plaît. Je t'aime, Polo. Merci, moi aussi je t'aime. Et blagueur de merde, conclusion. Ouais, c'est toi, je fais le papier qui est sur l'eau, qui dit au secours, j'ai papier. Ouais. Tu la connais, celle-là? Non, répète. Pourquoi les pêcheurs sont-ils maigres? Je sais pas. Parce qu'ils surveillent leur ligne. Ils sont nuls. Allez, dégage. Et pour terminer, le coach gros, conclusion, ouais, s'il te plaît. Bah, donc, conclusion pour le repas du soir, je recommande, fromage, hein, des fromages, des bons fromages, hein, brie, camembert, un bleu ou deux, hein, tout ça agrémenté de bonnes tartines, hein, c'est important. Okay. Un peu de maroilles aussi, ça marche bien. N'hésitez pas à faire ça en prenant, pas du fruit, hein, ça sert à rien, prenez des trucs bien, un coca, Fanta, enfin des trucs, quoi. D'accord. Et en dessert, moi je recommande toujours un truc qui est vachement bien, un bon gros paquet de chips, à manger devant la télé, comme ça vous pouvez le finir en regardant l'émission bien pourrie, à faire dans le canapé. Et merci pour ces conseils, monsieur Gontro. Je vous en prie, si vous voulez faire des gros, n'hésitez pas à appeler moi. Hein. Ok, avec plaisir. Merci. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1 et ça n'a pas de prix. Effectivement, ça n'a pas de prix. Bon, et très bien. Voilà une bonne chose de faite, là, le Polo contre le reste du monde. Au moins, comme ça, c'est plié. Bon, on va se faire le générique aussi dans quelques minutes. Et avant cela, on va voir. Quel est le numéro 1 du top Twittos ce soir avant de faire péter le son dance floor jusqu'à 6h du matin non-stop? Je rappelle qu'il fallait balancer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël, un petit peu comme chaque soir évidemment, et que celui qui en aura balancé le plus sur le Twitter avec le hashtag Mickaël repartira avec un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, quel est le numéro 5? L'All Star The Best. Numéro nouvelle a priori. Oui. Numéro 4. Virginie 66. Numéro 3. Fan de Fun. Numéro 2, Nadia Le Prince. Et numéro 1, et Cédric. Cédric qui a déjà gagné, je pense. Hein. Il me semble que c'est Lolita. Non, je sais comment c'est, quoi, cinquième là. Ah non, on me dit que non, on me dit que Cédric n'a pas gagné. Ah d'accord, ok, très bien. Bravo Cédric. C'est toi qui repars avec le magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment. Allez, on va se faire le générique de fin maintenant, du coup, alors. Hein. C'est parti. Polo est en forme. Il est en forme. Allez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bondes des pitotes dessus, c'est pas l'enculé. L'enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Là c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Va te faire enculer, va enculer ta mère je la baise par tous les trous, hein. Elle aime la bite. Tu vas tellement te pisser dessus qu'on va t'enterrer sous terre. Qu'est-ce qui se passe ici? Va enculer ta mère, je te dis, pédé. De trou du cul. Que veux-tu? On va t'enculer. Et si moi je te tombe dessus, tu risques de finir dépecé. Tu vois ce que ça veut dire? Enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Allez! Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitons dessus, c'est toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà. Il est bonne, voilà, il est plié. Merci à Nadia qui était connectée, à Ewet également, à Nora, Laura, il y a Steven, évidemment, il y avait Clara, il y avait Fan de Fun, il y avait Megan, il y avait tous les autres, bien entendu, que j'ai pas forcément sous les yeux, mais en tout cas, merci à vous d'avoir été aussi nombreux ce soir, comme d'habitude. D'ailleurs, on sera de retour dimanche à partir de 20h sur Fun Radio. Et puis, merci à Gaëtan également. Hein. Merci à Gaëtan d'être passé, le coach sportif. Merci à vous surtout. Qui va gérer avec Sandro et qui, à mon avis, changera de métier rapidement, puisqu'il va se rendre compte qu'en fait. Et encore. Il va abandonner. Il va abandonner. Je m'en vais. Il va jeter ses gants, son sac, et il va dire je m'en vais. Il va lâcher l'affaire. Sache qu'il y en a déjà 10 qui ont fini en thérapie. Ouais. Exactement. Ouais. Ah, ça, donc, par contre, on me l'a caché, ça. On connaît des bons psy, il n'y a pas de problème. Bon, bon week-end tout le monde, en tout cas. Merci d'avoir écouté Fun. Profitez bien du long week-end si jamais vous avez la chance d'en profiter. D'en avoir un plutôt. Et puis pour les autres, bon courage demain, hein, pour le taf, pour l'école éventuellement aussi. Rencard dimanche soir à partir de 20h. On avait dit qu'on avait on recevait Clara Morgan, ça a été déplacé une semaine. Ah oui. Elle a pas pu venir ce dimanche, mais ce sera la semaine d'après. Mais on vous tiendra au courant, ne vous inquiétez pas. Gros bisous, profitez bien, sortez couvert. Et puis Rencard dimanche, 20h sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio.